Le Théâtre Populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Lise Delamarre, sociétaire de la Comédie Française, René de Villers, Henri Guizol, Robert Arnoux, Maurice Varny, dans La Fleur des Pois, une comédie en quatre actes d'Édouard Bourdet, avec Suzanne Delvé, Charlotte Clasis, Lily Sioux, Serge Nadeau, Gaston Séverin, Paul Lalose, Georges Paulet, Robert Tanton, Dominique Bucard, Olga Nilza, Fanny Marette, André Gire et Odette Briane, dans une réalisation de Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Du pieux ouvrage consacré par Madame Denise Bourdet à la vie du dramaturge, nous extrayons ces lignes émouvantes. Le 17 janvier 1945, il était en train de lire, quand peu après minuit, un malaise le prit soudain. C'était une embolie. Tout fut fini en un instant. Il a occupé une telle place dans notre théâtre que de sitôt, le temps et la rancune ne pourront rejeter son nom dans l'oubli. Même il apparaîtra peut-être un jour comme une sorte de juvénal de notre société dont l'amoralisme est peut-être le signe annonciateur d'une décadence. L'homme enchaîné, la prisonnière, les temps difficiles, vient de paraître, la fleur des pois, forment une galerie des vices d'une époque, un témoignage où se mêlent adroitement la satire et la morale. Édouard Bourdet a observé ces tards avec un ricanement amer, les fustigeant avec un plaisir âcre, parce que sa nature saine et équilibrée se hérissait devant la turpitude ou la sottise. Pour expliquer sa réussite, on a quelquefois vanté son métier. Où il y a de ces louanges venimeuses. Et Denise Bourdet a répondu au censeur, à ce métier dont on perd le respect, certains préfèrent aujourd'hui invention ou fantaisie. Avoir du métier comme Édouard Bourdet, c'était posséder la conscience de son art. Et si on y ajoute le don qu'il reçut de créer des êtres vivants, sa carrière heureuse paraît légitime. Oui, c'était un homme de théâtre complet, et il le prouva comme administrateur général de la Comédie Française, qu'il sut guérir d'une crise de langueur grâce à son énergie et à sa maîtrise. Un des traits distinctifs de son genre fut cette inclination pour les sujets audacieux ou scabreux, mais il les exposait avec tant de retenue et de pudeur que cette manière reste sa véritable originalité. Sa mort prématurée interrompit une production dont le dernier ouvrage, Hyménée, montre que son auteur était capable, sinon de renier, du moins de s'éloigner d'un genre auquel il devait sa réputation. Rare exemple chez un écrivain, mais qui atteste un caractère. La fleur des pois que nous diffusons ce soir est une manière de caricature du snobisme, snobisme parfois générateur des pires aberrations. La peinture du salon de Zaza est un chef-d'œuvre d'humour où à l'observation impitoyable se mêle une fantaisie lénifiante qui atténue la rigueur d'une condamnation sans appel. Écoutez à présent, si nous avons réussi à vous faire apprécier la puissance comique d'un auteur, si l'audition de la fleur des pois vous donne cette satisfaction spirituelle que procure le vrai théâtre, alors ce ne sera pas en vain que nous aurons rendu hommage à un de ces grands prêtres, Édouard Bourdet. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, le Théâtre Populaire de juin 44 présentera le 15 septembre à 14h30 sur la chaîne France 3 Visage de l'ombre, adaptation radiophonique par Jean Risse et Pierre Sibylla du roman de Boileau et Narcejacques. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Un bureau spacieux et élégant dans un appartement à Paris, chez la princesse Volitzine. Alors ? Mais vous me promettez de ne le dire à personne, Zaza. Mais voyons. Parce que Coco vient de me le raconter sous le sceau du secret, en me faisant jurer de le garder pour moi. Je vous le dis à vous, parce que je sais que vous êtes discrète. Un tombeau, la moufette, je suis un tombeau. C'est une chose tellement extraordinaire. Merci. Charlie a couché cette nuit avec Edwige. Quoi ? Oui, ma chère. Ce n'est pas possible. Si. Charlie ? Oui. Non. C'est Edwige elle-même qui l'a téléphoné à Coco ce matin à la première heure. Ça, alors ? Croyez-vous ? Je n'en reviens pas. Eh bien, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. J'ai toujours pensé que ce petit Charlie était en somme assez suspect. Vraiment ? Oh, il a une façon de danser avec les femmes. Nous le remarquions encore l'autre jour avec Lolotte. Décidément, on ne sait plus à qui se fier. Là-dessus, cher Zaza, je me sauve. J'ai une matinée terrible. On est obligé de faire ses courses le matin maintenant, parce que l'après-midi, avec tout ce qu'il y a à faire, on n'a plus une minute à soi. Alors, vous allez chez Coco avant le dîner ? Oui, vous aussi ? Oh, naturellement, nous déjeunons ensemble d'ailleurs. Oui, Lolotte va venir me prendre. Qui y a-t-il, vous le savez ? Je sais qu'il y a Mimi, Coco, Bernard, Grigoriev, les Châtel Gérard, Fulco, Paola. Pas Edwige ? Si, Edwige, bien sûr. Et Charlie ? Charlie aussi, je suppose. Oh, je me réjouis de les voir ensemble après ce qui s'est passé cette nuit, pas vous ? Non, je vous avoue que je trouve ça plutôt gênant, moi. J'ai même l'intention, je vous en préviens, de ne pas adresser la parole à Charlie. Pauvre Charlie, mais il ne s'est pas rendu compte, vous savez. Oh, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ah, au revoir, chère Zaza. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mademoiselle Schwab ? Madame ? Mademoiselle, vous ferez entrer ces deux dames. Bien, madame. Oh, tu me reconnais ? Comment ? Mais je crois bien. Oh, depuis si longtemps. Oui, n'est-ce pas ? Tu permets que je t'embrasse ? Mais bien sûr, voyons. Je te présente ma nièce, madame Fleury-Bresson. Enchantée, madame. Asseyez-vous. Ça me fait un plaisir de te voir, tu sais. Moi aussi. Oh, tu te rappelles la pension Garnier? Ah, si, je me rappelle. Et tu habites toujours Paris? Moi? Oh non, je suis seulement venue passer quelques jours chez Madeleine. Non, mais j'habite le Nord. Ah oui. Mon mari était de Lille, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais c'était le frère de la maman de Madeleine. Ah, parfaitement. Oui, c'est une famille très connue dans le Nord. Oui, oui, oui, oui. C'est comme la famille de mon mari, les Fleury-Bresson. Tu en as peut-être entendu parler. Mais certainement, certainement. Votre mari doit être très occupé, madame. C'est-à-dire... Enfin, il était très occupé, le pauvre garçon, mais elle l'a perdu, malheureusement. Oh, pardon, oui. Excusez-moi. Oh, mais ça ne fait rien, princesse. Ça ne fait rien du tout. Tu ne pouvais pas savoir, n'est-ce pas? Il y a longtemps. 2 ans. Oh. Et vous vous êtes installée à Paris, alors? Oui, princesse. Et toi, tu es restée à Lille? Oh oui, que veux-tu? J'avais mes habitudes là-bas. Je n'ai plus habité Paris depuis 20 ans. Et puis, maman n'y était plus, n'est-ce pas? En fait, tu te souviens de maman? Non, mais je crois bien. Ah, nous parlons souvent de toi avec elle, tu sais. Tous les 8 jours, à peu près, elle me demande « Et ton amie Salentin, elle habite toujours rue de Miroménil ?» Parce que pour maman, tu comprends, tu es toujours Antoinette Salentin. Ça, j'ai beau lui dire qu'il y a beau temps que tu as quitté la rue de Miroménil, que tu t'es mariée avec un prince russe, que malheureusement tu l'as perdu, que tu as déménagé plusieurs fois, bien c'est toujours à recommencer. À son âge, tu comprends, elle ne se souvient plus très bien. Oui. Je me demande ce qu'elle dira quand elle saura que je t'ai revue. Ça, je lui raconterai ça ce soir en rentrant. Oui, parce que je repars tout à l'heure. Vraiment? Oh, ça, je ne peux pas la laisser seule trop longtemps. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin. J'espère que ça ne t'a pas trop dérangé de nous recevoir. Mais non. Oh, seule, je n'aurais jamais osé venir, tu sais. Tu dois avoir tellement à faire. Oui, mais c'est Madeleine qui a voulu, absolument. Vraiment? Oh, oui. À chacun de mes voyages, elle m'entreprenait pour que je lui fasse faire ta connaissance. Oh, mais je suis très flattée. Oh, j'avais tellement entendu parler de vous, princesse. Ah, oui. Nous étions déjà venus la semaine passée, on te l'a dit. Oui, oh, oui, j'ai été désolée. J'avais des tas de rendez-vous, je n'ai absolument pas pu vous recevoir. Oh, mais ça n'a aucune importance, princesse. Ah, j'ai des journées terribles en ce moment, ce matin, tenez. J'ai encore 3 ou 4 personnes à recevoir. Mon courrier à signer et il faut que je me change pour aller déjeuner au Ritz. Oh, c'est effrayant. Oui, alors nous ferions peut-être mieux de laisser la princesse. Oh, c'est pas pour vous chasser que je disais ça. Mais non, c'est tout naturel. Nous le comprenons très bien, princesse. Mais oui, si tu le permets, eh bien, Madeleine ne pourrait peut-être revenir te voir seule un jour ou tu serais moins occupée parce que... Elle voudrait te demander quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à me demander? Je suis très gênée, princesse. Non, pourquoi? Vous faites peur. Oh, elle est un peu intimidée devant toi, mais ça se comprend. Mais tiens, je vais te le dire, moi. Elle t'aurait une immense reconnaissance, et moi aussi, naturellement, si tu voulais consentir à la présenter à quelques-uns de tes amis. Oh, c'est horriblement indiscret, princesse. Mais non. Oh, tu comprends, il n'y a guère qu'un an qu'elle est installée à Paris, n'est-ce pas? Alors, elle ne connaît pas encore beaucoup de monde. Oh, ce ne sont pas les amis qui manquent, ma tante, ne croyez pas ça. Oh, non, bien sûr, mais au contraire, je m'en ai trop. Seulement, que voulez-vous, plutôt que de voir des gens... ordinaire. Moi, j'aime mieux ne voir personne. Enfin, chacun son goût. Il est certain que les gens distingués sont toujours plus agréables à fréquenter. Et plus intéressants aussi. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne me sens à mon aise qu'avec des gens d'une certaine société. Enfin, voilà. Si tu étais assez gentille pour penser à elle, enfin, de temps en temps, quand l'occasion se présentera, eh bien, tu lui ferais un très grand plaisir. Mais certainement. Je suis sûre que vous devez me trouver d'un songer affreux, princesse. Mais non. Je ne peux pas vous dire que ce sera tout de suite. Parce qu'il faut, comme le dit très bien votre tante, que l'occasion se présente. Oui, bien sûr. Je ne peux pas non plus vous affirmer que ce sera suffisant pour vous faire pénétrer dans ce milieu assez fermé, qui constitue ce qu'on appelle la société. Oh, je me rends bien compte. Je suis pas toute puissante, loin de là. Enfin, je vais toujours prendre votre adresse. Rappelez-moi votre nom. Madeleine Fleury-Besson, 55 bis, avenue Charles Floquet. C'est au Champ de Mars. Mmh. Un joli quartier. Oui, c'est tranquille. Oh, si tu voyais son appartement, c'est une merveille. Oh, une merveille. Ah, si. Vous donnez sur les jardins du Champ de Mars D'un côté, oui, de l'autre sur l'avenue. Ah, ça doit être une situation très agréable. Oui, c'est assez agréable. Peut-être pas un quartier très commode pour les communications. Mais vous avez votre voiture, probablement. Deux, elle en a deux, un coupé pour Paris et une grosse Torpedo pour la route. Ah, alors, voyons, vous ne m'avez pas donné votre numéro de téléphone. Ségur 2137. Bon. Vous devez pouvoir donner de très jolies fêtes avec une installation comme celle-là. C'est-à-dire, je ne l'ai pas encore fait parce que j'étais en deuil. D'abord, je... Oui, naturellement. Mais évidemment, l'appartement s'y prête. Oh, ben, je pense bien, elle a une galerie de 20 mètres de long. Sapristi. Ah oui, et puis elle ne te dit pas qu'elle a aussi une ravissante villa au Cap d'Ail. Ah. Ah, mais alors dites-moi... Princesse. La situation n'est pas tout à fait la même. La situation... Oui, oui, quand je vous parlais des difficultés que vous pourriez rencontrer à être reçue dans la société, je ne savais pas tout ça. Je savais que vous étiez jolie, oh, très jolie, mais... Si, elle est ravissante, ta nièce. Oui, n'est-ce pas qu'elle est ravissante. Oui. Seulement, ça ne suffit pas toujours, tandis qu'une très jolie femme qui, en plus, a... Enfin, qui peut recevoir, c'est une toute autre affaire. Une toute autre affaire, ça facilite beaucoup les choses. Vraiment? Oh, mais alors je ne demande pas mieux, moi, que de... Laissez-moi faire. D'ici 2 mois, vous irez partout, je m'en charge. Vous croyez, princesse? Oh, quand je dis partout, j'exagère un peu. Il y a 1 ou 2 maisons, il faudra un peu plus de temps. Mais enfin, vous y arriverez. Nous ferons ce qu'il faudra pour ça. Que vous êtes bonne, princesse. Mais c'est tout naturel, voyons. Je suis trop contente de pouvoir rendre service à la nièce de ma vieille amie. Oh, je te remercie, tu sais. Ne parlons pas de ça. Ah, seulement, alors, puisque je vous tiens, j'aimerais bien avoir quelques détails complémentaires sur vous. Voyons. D'abord, famille. Vieille famille du Nord. Filature, tissage? Bonneterie. En gros. Oui. Industriel. Vous êtes née? À Lille. Non, ce n'est pas ce que je vous demandais. Votre nom de jeune fille? Ah, Fouillot. Fouillot. Bon. Autre chose. Êtes-vous musicienne? Je joue un peu de piano, mais... Ah, je vous demande ça parce que c'est très bien d'être musicienne. Ça peut beaucoup nous aider. Oh, mais j'aime bien la musique. Bon. Musicienne. Quoi encore? Vous parlez anglais, naturellement. Ça, pas très bien. Ah, ça, il faut vous y mettre. Ah, c'est indispensable. D'abord, vous ne comprendrez pas le quart de ce qui se dit dans le monde si vous ne parlez pas anglais. Je m'y mettrai. Vous avez... Un peu. Ah, ça aussi, c'est bien utile. J'avais l'intention de prendre des leçons. Faites-le, n'hésitez pas. Vous êtes religieuse? Oui. Enfin, je veux dire, pratiquante. Mon Dieu. Oh, il faut, c'est important. Et puis, je voudrais bien que vous changiez votre prénom. Madeleine? Oui, c'est pas bon, ça. Vous n'en avez pas un autre? Mais non, justement, je n'ai que celui-là. Enfin, comment vous appelle-t-on dans l'intimité? Madeleine. Vous n'avez pas un diminutif? Non. Enfin, quand vous étiez enfant, vous appelez pas Madeleine. Si, je crois, n'est-ce pas, ma tante? Ah, oui, je ne me souviens pas d'autre chose. Ah, mais ça, c'est une lacune. Il faut absolument un diminutif. Ah. Oh, d'ailleurs, le prénom, vous savez, ça ne se porte presque plus. Mm-hmm. Surtout Madeleine. Voyons, qu'est-ce que nous pourrions prendre? Je voudrais quelque chose d'un peu frappant, d'un peu original et qui soit en même temps distingué, naturellement. Quelque chose comme Pépé, Momo, Lala. Mais ça aussi, il y en a des tas. Je ne vous propose pas Zaza, parce que ça, c'est moi. Ah oui. J'ai eu autrefois une petite chienne qu'on appelait Papou. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Pauvre Papou. Papou n'est pas mal, vous savez. Papou est bien. Papou est très bien. Papou, c'est quelque chose d'un peu négligé qui ne me déplaît pas du tout. On sent que ça ne doit pas être le nom de n'importe qui. Ah, Papou me plaît. Papou me plaît beaucoup. Eh bien alors Moi, ça me gênera à cause de la petite chienne. Oh, vous y habituerez, ma tante. Mais oui. Alors, va pour Papou. Va pour Papou. Parfait. Eh bien, moi, il me faudrait un peu de temps pour m'y faire, mes enfants. Oh, cette fois, nous vous laissons, princesse. Oh, oui, nous t'avons assez dérangée comme ça. Oh, je ne pourrai jamais assez vous remercier, princesse. Je ne trouve pas de mots pour exprimer. Non, cherchez pas. Vous m'êtes très sympathique. Je suis enchantée de faire quelque chose pour vous. Oh, princesse, que vous êtes bonne. Oh, oui, ça. Je vais d'ailleurs voir tout de suite si je pourrais vous faire inviter quelque part ces jours-ci. Parce que je n'ai malheureusement rien chez moi avant quelque temps. Voyons. Ah, Fémont, pas possible. Dissac, non plus. Saint-Brice, pas tout de suite. La princesse d'Anneau, ça, rien à faire. La saison prochaine, peut-être, après qu'elle vous aura vu partout jusque-là, et encore. Ah, ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à Paris. Le jour où vous serez reçu chez Marie-Justine, vous pourrez dire que vous n'avez plus besoin de moi ni de personne. Vous serez consacré. La princesse d'Anneau, c'est... C'est une Thoire. La fille du duc de Thoire. La sœur du duc d'Ange, celui qu'on appelle Toto. Vous n'avez jamais entendu parler de Toto? Non. Vous n'avez jamais entendu parler de Toto d'Ange et de Lolotte Charançon? Lolotte Charançon, ce n'est pas une jeune femme blonde? Non, c'est son cousin. Son... Oui. Ah bon, ah, très bien. Je... Voyons. Il y a bien une soirée le 21 chez Mimi Dayange. Ah, mais j'aimerais autant vous faire sa connaissance avant. Enfin, je trouverai, j'arrangerai quelque chose. Comptez sur moi. Oh, je suis tellement touchée, princesse. Mais du tout. Tu permets encore que je t'embrasse, n'est-ce pas? Je pense bien. Oh, j'ai été bien heureuse de te revoir, tu sais. Moi aussi. Et je sens que nous allons faire une paire d'amis, Tanias et moi. Oh. Elle me plaît beaucoup, tu sais, décidément. Beaucoup. Je suis contente. Au revoir. Très jolie, la révérence. Mais je n'y ai pas droit. Ah, je croyais... Non, les princes du sang seulement. Excusez-moi. Non, ça ne fait rien, c'était très gentil tout de même. Alors n'oubliez pas, la musique, le golf, l'anglais. Et Papou, c'est vrai. Au revoir, Papou. Au revoir, princesse. Faites entrer ce monsieur. Monsieur Albert Tavernier. Parfaitement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est vous qui venez de la part de monsieur le Vigan? Oui, madame. Oui, il m'a dit deux mots de votre affaire. Ah, alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, n'est-ce pas? Difficile n'est pas le mot. Seulement, il ne faut pas vous faire d'illusions. Ce genre de lancement nécessite un effort financier assez important. Oh, ça, on fera ce qu'il faut. Ah. On y est décidé. Dans ce cas, il n'y a pas de raison pour que nous ne réussissions pas. Vous croyez? Mais oui. Voyons, ce que vous voudriez, si j'ai bien compris ce que m'a dit monsieur le Vigan, c'est intéresser à votre marque une clientèle élégante. Voilà, ça c'est mon idée. Parce que quand une fois vous avez les gens chics, c'est bien rare si les autres ne suivent pas derrière. C'est évident. N'est-ce pas? Alors, l'autre jour, je rencontre le Vigan, qui est un vieux copain à moi. Oui, on a fait presque toute la guerre ensemble, dans la même batterie. Et il me demande comment vont les affaires. Je lui dis, ça gaze, mais ça pourrait tout de même aller mieux. Et là-dessus, comme je sais qu'il fréquente dans la société chic, je lui parle de mon idée. Il me dit, mon vieux, t'as qu'une chose à faire, c'est d'en causer à la princesse Volidine. C'est ça, ouais. Oui. C'est une femme épatante, il me fait. Si elle veut s'occuper de toi, ça, tu ne peux pas trouver mieux. La princesse Volidine, je lui réponds, mais elle ne me connaît seulement pas. Si je lui cause de mon idée, comme ça, elle va me balancer. T'en fais pas, il me dit. Elle est dans les affaires, elle comprend les choses. Enfin, je ne suis pas à proprement parler dans les affaires. Ah? Non. Mais enfin, je suis aussi capable qu'une autre de comprendre ce qu'on me dit quand c'est pas trop compliqué. Ce que vous m'expliquez paraît fort simple. C'est un genre de problème dont j'ai une certaine habitude. Ah bon? Mademoiselle Schwab? Madame? Voulez-vous me donner le dossier Joséphine, le dossier Nicolo et le dossier Grigoriev? Bien, madame. Ce sont trois affaires que j'ai lancées. Ah. Joséphine, c'est la modiste. Vous en avez peut-être entendu parler. Je pense bien. Nicolo, c'est le grand bottier de la place Vendôme, vous savez? Oui, parfaitement. Merci, mon petit. Merci. Grigoriev, lui, c'est autre chose, c'est le violoniste. Garçon plein de talent, mais qui végétait. Il est venu me trouver et j'en ai fait mon Dieu. Je peux le dire, un des deux ou trois plus grands violonistes du monde. Oh, je vous parle de ces trois affaires-là au hasard, mais je pourrais vous en citer d'autres. Van Kempen, le bijoutier, Marcel Joffe, le romancier. Oh, c'est vous qui avez lancé tout ça? Mon Dieu, oui. Alors, pensez. Mais comment vous vous y prenez? Eh bien, voici. Vous allez commencer par donner un certain nombre de réceptions. Ah, oui. Mais dites donc, c'est que je ne suis pas installée pour ça. Tranquillisez-vous. Ça passera par chez vous. Ah bon? Non, vous verrez, je vous expliquerai tout ça. Mais vous croyez que les gens viendront? Et pourquoi pas? S'ils ne me connaissent pas. Mais ce n'est pas vous qui les inviterez, c'est moi. Ah bon? Bon. Oui. On ne saura même pas que c'est vous qui donnez la soirée. Ah non? Non. Les premières fois, on ne fera même pas attention à vous. Et puis, au bout de quelques temps, on commencera à s'apercevoir que vous êtes là, on me demandera... Mais qu'est-ce que c'est donc, ce monsieur? Je répondrai, ça? C'est Albert Tavernier, le grand constructeur d'automobiles. Vous ne le connaissez pas? Et puis alors, peu à peu, les gens s'habitueront à vous. Alors, le moment venu, vous les inviterez vous-même en votre nom. En mon nom? Oui. Voulez-vous faire un essai? Vous verrez bien, au bout de quelques temps, si vous obtenez un résultat et si vous voulez continuer. Ah oui, comme ça peut-être. Je vais toujours vous donner une idée des prix. Par catégorie de réception. C'est ça. D'ailleurs, nous avons trois classes de réception. Il y a, en commençant par la moins importante, le petit dîner de 12 à 15 couverts dans un restaurant de premier ordre. Il faut compter dans les 4 à 5 000 vins compris. C'est ce qui a le meilleur marché. Seulement, je ne vous conseille pas de commencer par là. Ah, non, c'est une erreur. Ce qu'il faut au début, c'est une atmosphère de grand luxe pour bien donner l'impression que l'argent ne compte pas. Ah, oui. Ah, c'est indispensable. Plus tard, nous en viendrons, s'il y a lieu, à des soirées plus intimes. La seconde classe comporte un dîner d'une vingtaine de couverts suivi d'une réception de 30 à 40 personnes avec buffet et jazz pour qu'on puisse danser. Il faut compter entre 10 et 12 000. Alors c'est par là qu'il faudrait commencer. Si vous voulez. Mais, à mon avis, il vaudrait mieux commencer par la première classe. Un dîner de 40 à 50 couverts suivi d'une réception de 100 à 120 invitations avec buffet, jazz et attractions. Oui. Oui, mais c'est que ça doit revenir cher, une soirée comme ça, dites donc. Pour l'ensemble de la soirée, dîner compris, il faut compter un minimum de 25 à 30 000. Ah, oui. Mais on n'a pas grand-chose comme numéro pour ce prix-là. Oui. Oui, écoutez, je crois qu'on pourrait s'arrêter à la deuxième classe. Comme vous voudrez. Oh, la deuxième classe est très bien aussi. C'est un peu plus restreint. Voilà tout. Non, je voudrais d'abord me rendre compte si ça rend. Vous comprenez? Oh, ça rendra. Ça rendra moins qu'une première classe, naturellement. Parce que nous toucherons moins de monde. Mais enfin... Oui, si c'est du très beau monde, ça peut compenser. Mais... Ah, la qualité des convives suit toujours un peu la classe de la réception, vous devez le comprendre. Bien sûr, oui. Et pour une première classe, je pouvais inviter deux ou trois princes du sang, un ou deux grands-ducs, et peut-être même un roi détrôné. Ah oui, mais ça... Ah, tandis que deuxième classe, je ne peux pas me permettre de les déranger, non. Nous devons nous contenter d'un duc, peut-être deux. Et pas de prince? Ah si, mais pas de prince du sang. Oui, bah que voulez-vous? N'insiste pas, vous êtes seul juge. Je ne voudrais pas que vous puissiez croire que je vous pousse à la dépense. Oh, pensez-vous? Voyons. Voulez-vous que nous envisagions tout de suite une date pour notre première soirée? Bah, pendant qu'on y est. Attendez. Je n'ai malheureusement pas un soir de libre avant le 19. Cela vous irait-il le 19? Oh, moi je suis libre tous les jours, sauf le samedi. Parce que j'ai mon ami le samedi. Ah, vous avez une amie? Oui. Tant pis. Enfin, fais rien. Eh bien, disons alors en principe le 19. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir l'endroit. Préférez-vous un hôtel comme le Ritz, où ils sont organisés pour ce genre de soirée, ou une maison particulière? Qu'est-ce que vous croyez? Ah, moi, je vous conseillerais assez la maison particulière. L'atmosphère l'atmosphère est toujours meilleure. Vous avez le choix entre une ravissante installation à Neuilly, chez monsieur et madame Châtel-Gérard, un très bel hôtel rue Barbet-Jouy chez Lady Whitford ou un vieil appartement qui est Voltaire chez la princesse Giustiniani. Avez-vous une préférence? Oh non. Alors, prenez donc l'hôtel de Lady Whitford. Le cadre est charmant et il y a un jardin où l'on peut danser après le dîner s'il fait beau. Bon, eh bien, va pour Lady... Comment dites-vous? Lady Whitford. Oui, c'est ça. Oh, vous verrez, vous serez content. Ah, seulement, il faut prévoir dans ce cas-là un petit supplément pour l'éclairage. On donne 3000 francs, c'est l'habitude. 3000 francs d'éclairage? On appelle ça l'éclairage, c'est une façon de parler, vous comprenez? Ah, oui. Voilà. Et je la verrai tout à l'heure à déjeuner, je lui demanderai de nous réserver la date du 19, parce que son hôtel est très très demandé. Nous risquerions de ne pas la voir. Bon. Eh bien voilà, cher monsieur, voilà. Voilà. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, comment ils s'habillent, les hommes, dans ces trucs-là ? La bulle ! Ah, alors ça se trouve bien, je viens justement d'en commander un. Ce sera une occasion de le mettre. Alors, cher monsieur, si vous n'avez plus rien à me dire... Non, je crois bien que c'est tout. Oui, et ben voilà. Alors, sitôt que j'aurai parlé à mon associé, je vous passe un coup de téléphone, et puis on se reverra pour tout régler. Quoi. Entendu. Et ben voilà, allez, et ben alors, au plaisir. C'est ça, au plaisir. Au revoir. Au plaisir. Off. Jeanne, vite ma robe de club de Chine. Mais dépêchez-vous, je n'ai qu'une minute. C'est Lolotte ? Oui. Bonjour. Non, n'entre pas, je change de robe. Ah, j'ai eu une matinée effrayante, je viens seulement de finir. Comment ça va ? Ah, comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas en ce moment ? Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, toujours la même chose. Il n'est pas gentil ? Ouf, il devient impossible. Ah, faut reconnaître que tu n'es pas très adroit avec lui. Mais qu'est-ce que je fais de pas adroit ? Mais mon petit, il y a des moments où il faut supporter certaines choses. Mais je passe mon temps à supporter. Non. Pourquoi n'essayeriez-vous pas d'une petite séparation tous les deux, d'un petit voyage chacun de votre côté ? Oh. Ah, ça arrange bien des choses, oui, tu sais. Oui, ben, ça serait joli, si je le laissais. Il ne demande que ça, parbleu. Oh, ben il ne faut pas être pessimiste comme ça, voyons. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le duc d'Anche est au salon. Qu'il entre ! Dis donc, excuse-moi auprès de Toto, je vais mettre mon chapeau pour ne pas le retarder. Bon. J'en ai pour une seconde. Oui. Ah, tu es seul ? Zaza n'est pas là ? Elle met son chapeau. J'arrive, cher Toto, j'arrive. Ah, toutes mes excuses. C'est moi, cher ami, qui vous prie d'excuser cette intrusion. Oh, mais elle m'honore. J'ai appris par Lolotte que nous déjeunions ensemble et j'ai pensé que vous consentiriez peut-être à accepter l'hospitalité dans mon automobile pour aller jusqu'au Ritz. Avec joie. Vous ne voulez pas vous asseoir ? Mais je crains que nous n'ayons guère le temps, il est 1 heure. Ah, alors, si vous voulez que nous partions... Mais quand il vous plaira. Vous permettez que je me remette un peu de poudre ? Mais je vous en prie. Comment va la duchesse ? Bien, merci. Est-ce que nous déjeunons avec elle ? Non, elle est allée passer la journée à Champy pour voir ses fleurs. Ah ! Eh bien voilà, je suis prête. Elle a passé, Jérémy. Oh, mais je vous en prie. Non, mais je vous en parle. Tu viens, Lolotte ? Oh, ne fais pas une figure comme ça, voyons. Show up. Je trouve la vie d'une tristesse. Oh, tu exagères. Un salon dans l'hôtel de Lady Watford, pendant la soirée donnée par Albert. Vous savez ce qu'on vient de me dire, mon petit Serge ? Non, quoi donc ? Qu'on vous avait vu embrassant une dame dans un taxi. Qui a dit ça ? Peu importe. C'est la moufette, n'est-ce pas ? Oui. Ah, c'est lui qui m'a vu ? Non. Alors qui ? Metekian. Ah, j'en étais sûr. Et je faisais tellement attention. Alors, c'est vrai ? Serge ! Non, laissez-moi vous expliquer. Embrasser une femme, vous, et dans la rue. Dans un taxi. C'est la même chose. Mais vous êtes donc complètement fou. Voulez-vous, c'est la fatalité. Il a fallu qu'il arrive juste à ce moment. C'est votre maîtresse ? Non. Enfin, c'est une femme que vous aimez. Je ne peux pas vous répondre, cher Zaza. Pardonnez-moi. Comme vous voudrez. Eh bien, nous voilà jolis. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, des conséquences que cette histoire va avoir pour vous ? Je m'en rends compte. Et de celle qu'elle aura indirectement pour moi qui vous est présentée partout à Paris. Je suis désolé, cher Zaza. Oh, quand on va savoir ça, mon pauvre ami. Évidemment. Et spécialement Toto, qui ne plaisante pas avec ce genre de choses, oui, vous savez. Je sais. Mais enfin, comment n'avez-vous pas pris au moins la précaution de vous cacher ? Il y a 3 ans que je me cache. 3 ans ? Oui. Il y a 3 ans que vous avez une femme dans votre vie ? Oui. La même ? Oui. Et vous prétendez qu'elle n'est pas votre maîtresse ? C'est ma femme. Votre femme ? Oui. Oh, ça ! Alors c'est plus beau que tout. Marie ! Mon pauvre Serge. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? On peut tout dire à une vieille amie comme moi. J'ai eu peur que si je vous disais, vous n'alliez pas vouloir vous occuper de moi. Je pensais que ça ne se saurait pas. Mais tout finit toujours par se savoir, mon pauvre ami. Je le vois bien maintenant. Allons, voyons. Faut pas vous laisser accabler à ce point. Faut réagir, mon petit. Tout n'est peut-être pas encore perdu. Enfin, qu'est-ce qu'il y a contre vous ? Un baiser sur la bouche à une femme dans un taxi, rien de plus. Rien. Vous n'avez fait de confidence à personne. Personne. Bon. Le malheur, c'est que ce soit tombé dans l'oreille du redoutable bavard qu'est la moufette. J'aurais préféré n'importe qui, mais pas lui. Enfin, tant pis. Vous lui donnez le change, voilà tout. Voyons, voyons, voyons. Attendez. Et si c'était votre sœur? Ma sœur? Ben oui, vous pouvez avoir une sœur. Ça, on peut pas vous le reprocher. Oh, évidemment. Et ça arrange tout. Laissez-moi faire. Et vous, vous croyez que ça prendra? Ça prendra, je m'en charge. Comme vous êtes bonne, chère Zaza. Seulement, à l'avenir, soyez prudent, je vous en prie. Plus de baisers dans les taxis. Oh, je vous promets. Et puis, si vous pouviez être un peu plus gentil avec mes tequians, ça ne pourrait pas nuire, vous comprenez? Et oui. Oh, je ne vous demande pas de... Non. Mais sortez davantage avec lui, montrez-vous cordial, affectueux, surtout devant les autres, vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vois, oui. Le monde n'est pas tellement exigeant, vous savez, pourvu qu'on respecte les apparences, il n'en demande pas plus. Ah, laissez-moi maintenant, je vais parler à la moufette. Chère Zaza, chère Zaza, comment vous remerciez? Ne me remerciez pas. D'abord, je vous aime bien, mon petit Serge, et puis, vous êtes un peu mon œuvre ici, je ne veux pas qu'on me l'abîme. À tout à l'heure, allez, ah, allez, tout, allez. À tout à l'heure, merci. La moufette! Eh bien? La moufette! Eh bien, la moufette, c'est une histoire stupide et qui ne tient pas debout, naturellement. Mais pourtant, ma chère, ce baiser... Eh bien, quoi, ce baiser? On l'a vu embrasser une femme dans un taxi. Oui. Eh bien, cette femme était sa sœur, là. Sa sœur? Oui. Vous voyez que ce n'est pas la peine d'en faire un drame. Il embrassait sa sœur, sur la bouche. Ben, naturellement. Il est russe. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Oh, oh, oh, ben j'aime mieux ça. Ouf, oh, je respire. J'étais désolé, vous savez, vraiment désolé. Eh bien, ne le soyez plus et rassurez Météquian à l'occasion. Oh, soyez tranquille, pauvre Météquian, il oui, va être si content. Oui, oui. Champagne, orangeade, monsieur? Vous m'avez déjà demandé ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai une tête à prendre de l'orangeade, voyons? Oh, monsieur m'excusera. Oui, je vous excuse, mais donnez-moi du champagne. Merci. Dites, vous ne savez pas l'heure qu'il est? 11h, monsieur. Pas plus? Non, non, monsieur, non. Oh là là là là. Et à quelle heure ça peut finir, à votre idée? La soirée? Oui. Bon, on ne peut pas dire à l'avance, monsieur. Il y en a qui vont jusqu'à des 3h. 3h? Ah oui, oui, oui, monsieur, oui. Et puis il y en a où à minuit tout est fini. Et ce soir, selon vous, c'est du minuit ou du 3h? Eh bien... ce serait plutôt du minuit, monsieur. Ah, eh ben, j'aime mieux ça. Parce que je ne m'amuse pas des toits, moi. Et vous? Oh, moi, monsieur, vous savez, moi, j'ai l'habitude. Oui, forcément. Qu'est-ce que c'est que cette conversation avec le maître d'hôtel? Ça ne se fait pas, voyons. Et puis, ne restez pas comme ça, tout seul à l'écart. Mêlez-vous aux autres, causez, faites des frais. Mais je ne connais personne. Mais comment? Je vous ai présenté à des tas de gens. Je ne sais plus lesquels, je les mélange tous. Ça tient sans doute à ce que vous avez bu un peu trop de champagne. Moi? Pensez-vous? Je vous ai vu pendant le dîner, vous n'avez pas arrêté de boire. Je buvais pour m'occuper. Mais vous auriez pu causer avec votre voisine, ça vous aurait occupé. Vous n'avez pas adressé la parole. J'ai essayé, mais elle ne me répondait pas. Oui, non, c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah, si vous ne parlez pas, vous ne réussirez jamais dans le monde, je vous en préviens. C'est très mal vu de se taire. Mais de quoi voulez-vous que je leur parle, moi, à ces gens? Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas parler d'eau tôt. Ah, non, c'est beaucoup trop tôt. Alors, de quoi? Mais parlez de n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Mais parlez, parlez, tout est là. C'est commode. Dansez-vous, au moins. Ça, pas trop bien, vous savez. Enfin, je veux bien essayer, mais... Oh, non, non, non. Ah, non. Si vous ne savez pas, j'aime encore mieux vous rester tranquille. Bah, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je ne sais pas, moi. Promenez-vous, intéressez-vous à ce qui se passe. En tout cas, ne restez pas là comme une borne plantée devant le buffet. Bon, bon, bon, ne vous fâchez pas. Quel empoté! Je crois que la princesse aura du mal cette fois. Ah, j'en ai peur. Bonsoir. Qui est cette dame? Vous savez? Non, non, non, je ne connais pas. Bonsoir. Mais qui est-ce? Oh, c'est une petite dame que Zaza m'a présentée l'autre soir au concert de Grigoriev. Je ne sais plus son nom. Ah. En filant, voulez-vous, elle ne connaît probablement personne et je sens qu'elle va s'accrocher. Bonsoir. Madame. Je crois, monsieur, que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui? Chez la princesse Volidine. Vous croyez? Oh, ça ne doit pas être moi. C'est pas vous qui attendiez l'autre matin chez elle? Ah, si, si, si, si, je vous remets maintenant. Mais excusez-moi, sur le moment, je ne vous avais pas reconnu. Oh, mais voyons, c'est tout naturel. D'abord, j'avais un chapeau l'autre matin. Ça change tellement. Ça, c'est vrai. Je voudrais dire bonsoir à Zaza, mais je ne la vois pas. Qui? La princesse. Ah, Bah, elle doit être par là, dans le jardin. Vous voulez y aller? Oh, ce n'est pas pressé. Vous n'étiez donc pas au dîner? Non, je viens d'arriver. Ah, voilà, voilà. Dites, on pourrait peut-être s'asseoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, volontiers. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Le champagne est bon, vous savez, vous pouvez y aller. Non, je n'ai pas soif. Alors? Est-ce que vous savez si Toto est là ce soir? Qu'est-ce que c'est que ça, Toto? Vous ne savez pas qui est Toto? Non. Oh, vous me faites marcher en ce moment. Moi, je vous fais marcher? Oh, mais ça ne prend pas. Et Lolotte? Vous allez me dire que vous ne savez pas non plus qui est Lolotte, probablement. Ah non, non, ça je ne sais pas. Eh bien, je ne vous crois pas. Vous voulez vous moquer de moi, c'est très mal. Ah ben ça alors? Tiens, voilà Grigoriev, là-bas. Vous étiez à son concert? Où ça? Au concert de Grigoriev. Ah non, non, je n'y étais pas. Ah, oh, quel dommage, il a joué. Ah. Oh, c'est vraiment un très grand artiste. Ah oui? Et l'homme est tellement sympathique. Est-ce que vous savez si ça s'arrange avec Météquian? Avec Météquian? Oui. Ah, je ne pourrais pas vous dire. Mais pourquoi, ça n'allait pas? Oh, il paraît que non, pauvre Météquian. Nous étions assises derrière lui au concert, Zaza et moi. Il était touchant à regarder. Des deux, c'était certainement lui le plus ému. Tiens. Oui. Vous aimez beaucoup la musique? Ah oui, oui, c'est oh, vrai. Moi, j'en suis folle, absolument. Vous avez déjà été à Bayreuth? À Bayreuth? Au Festspielen de Wagner. Ah non, non, ça je n'y ai pas été. Et vous? Pas encore, figurez-vous, c'est un pardonnable. Ah, oh, oh. Oh, j'ose à peine l'avouer. Mais nous comptons y aller cet été, Zaza et moi. Je lui ai proposé de l'emmener en auto. Nous ferions Bayreuth, Munich et Salzbourg. J'aime beaucoup voyager en auto. Pas vous? En auto? Vous n'aimez pas ça? Bah, mon Dieu! Pas trop longtemps, naturellement. Mais pour une huitaine de jours, je ne déteste pas. J'ai une hispano découverte qui est assez agréable pour faire de la route. Ah, une hispano? Oui, c'est encore ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Vous ne trouvez pas? Ce qu'il y a de mieux, c'est beaucoup dire. Mais dans son genre, ça n'est pas mauvais, évidemment. Et qu'est-ce que vous avez, vous? Moi? Oui, pour la route. Oh, vous ne devez pas connaître. C'est une nouvelle marque. Américaine? Non, française. Comment ça s'appelle? Oh non, ça ne vous dirait rien. C'est un nouveau moteur à huile lourde. Ah, je sais, attendez. Oh, c'est un nom très comique. Hein? Tavernier-le-Comte, ce n'est pas ça? Si. On m'a dit que c'était pas fameux. Hein? Ah, qu'est-ce qui vous a dit ça? Oh, c'est le mari d'une de mes amies qui est dans les autos. Hein? Ah oui? Eh bien, vous pourrez lui dire, de ma part, qu'elle n'y connaît rien. Non, je le lui dirai. Essayez-en une. Vous verrez. Il faudra que j'en essaye une un de ces jours. Vous ne dansez pas? Vous voulez essayer? Oui, oui, volontiers. Bon. Vous savez, je ne danse pas trop bien, moi. Oh, enfin, je suis sûre que vous dansez admirablement. Oh, pardon. Du tout, c'est de ma faute. Oh, pardon, non, je vous ai fait mal. Non. Vous l'avez peut-être pris un peu vite pour un tango. Comment? C'est un tango? Mais oui. Oh, c'est pour ça. Je ne sais pas danser le tango. Si, ça n'allait pas si mal que ça. Ah non, ça je vous assure. Le foxtrot, ça encore, mais le tango, il n'y a rien à faire. Excusez-moi. Oh, hein. Ça n'a aucune importance. Le prochain foxtrot, si vous voulez. Entendu. Ah, est-ce que vous sentez bon? Vous aimez? Ah, dites. Quoi? Il faudra venir dîner la prochaine fois. Quand? Eh bien, quand la princesse redonnera une soirée. Elle doit ordonner? Deux. Je ne demande pas mieux si je suis libre, naturellement. Je m'arrangerai à être à côté de vous. Vous voulez? C'est ça. C'est vrai, vous voulez bien? Pourquoi pas? Ah, ça me fait plaisir, vous savez. Vraiment? Oui, parce que je vous trouve rudement gentil. Vous êtes trop aimable. Parce que vous êtes jolie. Vous trouvez? Ah, et puis alors, juste mon type. Je n'aime que les blondes, moi. Quelle chance! Il faut que je fasse attention, sinon je suis capable de tomber amoureux de vous. Oh, voyons. Dites. Quoi? On ne pourrait pas se revoir en attendant la prochaine soirée? Mais peut-être. Quand? Téléphonez-moi, Ségur 2137. Ségur 2137, bon. Mais quel nom? Madame Fleury-Bresson. Fleury-Bresson. Vous êtes mariée? Je suis veuve. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Et votre petit nom, comment c'est? Comment, il faut aussi que je vous dise mon petit nom. Madame. On m'appelle Papou. Papou? Oui. Oh. Quoi, ça ne vous plaît pas? Ça n'est pas joli, ça, Papou. Ça ne vous va pas. Je regrette. Et puis, ça n'est pas un nom. C'est le nom qu'on me donnait quand j'étais enfant. Vous n'en avez pas un autre, un vrai? Je m'appelle aussi Madeleine. Mais voilà, voilà. Madeleine, à la bonne heure, ça ressemble à quelque chose. Mais Papou... Et vous? Moi? Oui, vous pourriez peut-être me dire aussi comment vous vous appelez, non? Albert. Albert? Oui. Albert quoi? Ah, voilà. Devinez. Comment voulez-vous que je devine? Vous avez dit mon nom tout à l'heure. J'ai dit votre nom? Oui. Mais quand? Il y a 5 minutes, dans la conversation. Quel nom ai-je dit? Vous n'êtes pas... Quoi? Ah non, c'est pas possible. Mais quoi? Vous n'êtes pas le duc d'Anche. Le duc d'Anche? Ah non, non. Ah, oh, d'ailleurs, je le connais très bien. Mais quel autre nom ai-je dit? Eh bien, c'est quand vous avez parlé d'automobile. Automobile? Oui. Tavernier le comte. Eh bien... Tavernier, c'est moi. Ah oui. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein? Non, en effet. Eh bien, voilà. Alors vous pensez, si j'ai été assis quand vous avez dit le nom de la marque, je ne m'y attendais pas, vous comprenez? Surtout, elle n'est pas encore très connue, mais patience, ça viendra. On est en train de faire ce qu'il faut pour ça. Je peux même vous dire, mais ça alors tout à fait entre nous, hein, que c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que vous êtes ici? Oui, c'est moi qui donne la soirée. Mais Motus! Comment, c'est vous qui donnez la soirée? Oui, enfin, c'est moi qui paye. C'est la princesse qui invite, mais c'est moi qui paye. Seulement, il ne faut pas le répéter, parce que ça me ferait des ennuis avec la princesse. Je vous le dis à vous, parce que j'ai confiance en vous. Et puis, j'ai bien vu tout de suite que vous n'étiez pas comme les autres ici. Je vous demande pardon, mais je ne saisis pas très bien. Il s'agit de lancer la marque, comprenez-vous? Et pour ça, à ce qu'il paraît, il faut commencer par me lancer moi. Alors on va encore donner 2-3 soirées, et puis une fois que les gens connaîtront, quand je serai copain avec eux, on leur dira de quoi ils retournent. Et alors, en avant les commandes! Vous y êtes maintenant? Oui, je commence. Ah, dites, à ce propos-là, on va tout de suite prendre un rendez-vous, hein, pour que je puisse vous faire essayer une de mes bagnoles, là, puisque ça vous intéresse. Oh, vous savez, j'ai dit ça, mais je... Ah, mais ça ne vous engage à rien, pensez-vous? Oh, s'il fallait attendre une commande chaque fois qu'on fait faire un essai, alors on attendrait longtemps. Non, on ira faire un tour ensemble aux environs, et puis... Et voilà, hein? Tenez, je vous ferai essayer ma voiture personnelle. Mais vraiment, je craindrais d'abuser. Mais pas du tout, au contraire, ça me fait plaisir, là. C'est que je suis malheureusement très prise en ce moment, et Un petit tour d'une heure, ça suffit. Voyons, qu'est-ce que vous préférez, le matin ou l'après-midi? Moi, je m'arrangerai toujours. Eh bien, je verrai, je vous écrirai. Donnez-moi un coup de téléphone. C'est ça. Molitor 4750 et la suite. Faut-il vous l'écrire? Non, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, c'est dans l'annuaire. Mais excusez-moi, mais il faut absolument que je trouve la princesse maintenant. Eh bien, allons-y. Non, mais ne vous dérangez pas. Oh, ça ne me dérange pas, au contraire. Ah, ce coup-ci, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est un foxtrot. Je reconnais l'air. On se lance? C'est que je voudrais bien dire bonsoir à la princesse. Je suis très impolie. Oh, vous n'êtes pas à 2 minutes près. Ça va tout de même moins mal que le tango, hein. Ça, le tango, je n'ai jamais pu m'y faire. Ah, oh, excusez-moi, mais justement, voilà la princesse. Bon, je vous attends là. Oh, bonsoir, Zaza. Bonsoir, chère papou. Il y a longtemps que vous êtes là. Oh non, je viens d'arriver. Ah, c'est si gentil d'être venu. Voyons, je crois que vous connaissez presque tout le monde. Attendez, je vais vous présenter un excellent danseur. Bernard. Oui. Venez que je vous présente à une charmante amie, le comte de Jussy, madame Fleury-Bresson, autrement dit papou. Je vous reverrai tout à l'heure, chère papou. C'est ça. Voulez-vous danser ou aller prendre l'air? Comme vous voudrez. Eh bien, dansons, tenez. Oh! Oh non, mais sans blague. Ah ben ça alors! Maître d'hôtel! Monsieur Désir? Du champagne! Oh ça! Oh. Vous buvez encore? Parfaitement, je bois. Vous finirez par être ivre si vous continuez. Tant mieux. Oh, ben ça c'est complet. Il ne manquait plus que de faire un scandale. Maître d'hôtel, le même. Georges, ne donnez plus de champagne à monsieur. Pardon, c'est mon champagne. Allez, vas-y. Ah, écoutez, je vous supplie de ne plus boire. Mais laissez-moi. Mais non, là. Laissez-moi, je vous dis. Il vaut mieux que je boive, sinon je ferai un malheur. Un malheur? Pourquoi un malheur? On m'a fait un affront. Oh, c'est épouvantable, il est déjà gris. Mais non, on ne vous a pas fait d'affront. Si. Voulez-vous me faire un grand plaisir? Rentrez vous coucher. Pourquoi? Mais vous n'êtes pas dans votre état normal. Ah, pardon, je suis tout ce qu'il y a de normal. C'est ça. Quoi? C'est ça. Oh, tonton vous cherche. Voilà. Oh, quelle histoire, mon Dieu, quelle histoire. Je vais aller m'asseoir un peu, parce que depuis le temps que je suis debout, je commence à avoir les jambes en compote. Zaza! Ah, Ah, cher Toto, je ne vous voyais pas. Moi, qui est donc cette personne? Oh, ne m'en parlez pas, c'est épouvantable. Non, mais qu'est-ce qui est épouvantable? Je fais appel à toute votre indulgence, cher Toto. J'ai commis une erreur, oubliez-la. Non, mais je ne comprends pas, cher ami. Quelle erreur avez-vous commis? Mais d'inviter ce garçon. Mais je croyais que c'était lui qui nous invitait. Mais enfin, c'est la même chose. Mais je ne me doutais pas, en acceptant ça, que c'était un personnage aussi indésirable. Comment vous le trouvez indésirable? Oh, oui. Ah, mais je ne suis pas de votre avis. Comment? Non, je le trouve charmant. Oh, vous plaisantez, cher Toto. Mais je ne plaisante jamais en ces matières, cher ami. Non, il a un physique des plus agréables. Vous trouvez? De beaux yeux, une jolie voix. C'est possible, mais... J'ajoute qu'il ressemble à un de mes amis anglais que j'aime infiniment et qu'il m'est de ce fait fort sympathique. Ah oui? Comment s'appelle-t-il? Albert Tavernier. Eh bien, mais voilà un excellent nom. Taverne. Certainement. Et de quoi s'occupe-t-il? D'une affaire d'automobile. Une affaire d'automobile? Mais je trouve que c'est là une excellente occupation. Oh, excellent! J'ai toujours rêvé de pouvoir m'entretenir avec quelqu'un qui s'occuperait d'une affaire d'automobile. C'est un sujet qui m'intéresse vivement. Vraiment? De vraiment? Je vous proposerais bien de vous le présenter, mais je ne sais pas si ce soir le moment serait bien choisi. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce que je crois qu'il a bu un peu trop de champagne. Mais je ne déteste pas qu'on soit lié. Ça paraît plutôt l'avoir rendu triste. Je ne déteste pas non plus qu'on soit triste. Ah, voulez-vous que je vous l'amène? Mais pourquoi pas? Une seconde. Albert! Elle m'appelle Albert maintenant? Albert! Oui? Oui? Venez. Mais où? Venez, je vous dis. Levez-vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le duc d'Ange veut vous connaître. Vous avez une chance. Cher Toto, je vous présente mon ami Albert Tavernier. Le duc d'Ange. La Moufette, ça y est, elle lui présente. Mais je suis très heureux de vous connaître. Vous êtes bien aimable. Vous vous occupez d'automobile, me dit-on. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Mais la princesse. Tiens, je croyais qu'on ne devait pas en parler. Mais si, mais si, parlez-en au duc, au contraire. Cette question intéresse beaucoup. Enfin, je vous laisse causer. Vous ne partez pas encore, mon cher Toto? Dans un moment. Bon, alors, à tout à l'heure. J'y comprends rien, cette femme-là. Elle me dit de ne pas en parler et c'est elle qui commence. Elle est un peu folle, c'est pas possible. Oh, comme toutes les femmes. Pardon? Non, je dis comme toutes les femmes. Toutes les femmes sont folles. Ah, ça, il y a du vrai dans ce que vous dites, là. Il y a même beaucoup de vrai. Mais c'est évident. Non, n'y pensez plus. Et parlez-moi de cette affaire d'automobile dont vous vous occupez. Quelle marque est-ce? Tavernier le Comte. Tavernier, mais c'est votre nom. Oui. Alors, vous êtes constructeur? Eh bien, dame. Mais je n'avais pas compris ça. Comment constructeur d'automobile? Voyez-vous ça? Oui, et vous avez une usine? Je pense bien que j'ai une usine. Mais comme c'est intéressant. Mais où est-elle, votre usine? À Billancourt. À Billancourt. Oui. Voyez-vous ça? Dites, vous n'avez pas soif? Non, merci. Parce que le champagne est bon, vous savez, vous pouvez y aller sans crainte. Non, merci, je n'en prends jamais. À Billancourt. Dites-moi, est-ce qu'on peut la visiter, votre usine? Vous voulez la visiter? Ah, ça me plairait infiniment. J'adore visiter les usines. Ah, oh ben ça, c'est pas difficile. Dites-moi, vous me la feriez visiter vous-même? Ah, si vous voulez. Ah, où puis-je vous téléphoner? Molitor, 4750 et la suite. Ça y est, ils ont pris rendez-vous. Tu vois ce que tu as fait, Zaza? Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est Toto qui a voulu absolument. Je vous téléphonerai demain. Quel âge avez-vous? Hein? 36 ans. 36 ans. Eh bien, monsieur Albert Tavernier, je suis charmé d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup. Alors, à demain au téléphone? Entendu. Je garderai de cette soirée que nous vous devons, paraît-il, un excellent souvenir. Vous êtes bien aimable. Albert, accompagnez-le. Pardon? Accompagnez-le jusqu'à la voiture. Ah, bon? Bonsoir, Lolotte, on te revoit. Jamais. Tu viens déjeuner demain? Jamais, je vous dis, je pars. Comment? Mais où vas-tu? Dans ma famille. Non, c'est sérieux? Très sérieux. Ah, bah, c'est une très bonne idée. Toto! Oh, misérable! Toto! Oh, mais calme-toi, voyons, calme-toi. Oh non, laissez-moi, je veux lui parler. Non, pas ce soir, attends d'être plus calme. Oh non, Toto. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Allons, bon, le voilà qui se trouve mal maintenant. Mais qu'est-ce qui arrive? Lolotte se trouve mal. Non, pas possible. Mais oui, Lolotte se trouve mal. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Viens, on t'explique. expliquera. Mais mouillez-lui les tempes. Mais voyons, lui faire boire un peu de cognac. Oui, c'est très bon le cognac. Avec du sucre peut-être. Ça va déjà mieux, ses couleurs reviennent. Ah, tu te sens mieux? Oui. Oh, il devrait aller s'asseoir un peu dans le jardin. Oh oui, l'air lui fera du bien. Veux-tu faire quelques pas? Oui, va. Bon, non, appuie-toi sur moi, n'aie pas peur. Mais qu'est-ce que vous regardez? Lolotte s'est trouvée mal. Mais à la suite de quoi? C'est fini avec Toto. Non, pauvre Lolotte. Mais comment est-ce arrivé? Il était très maladroit, je l'avais prévenu. Oui, c'est à cause de ce monsieur à qui Toto a parlé. Mais naturellement, Toto a eu le coup de foudre, comme ça lui arrive de temps en temps. Lolotte a fait la bêtise de lui dire qu'il allait retourner chez ses parents, et l'autre, qui ne demandait que ça, l'y a vivement encouragé. C'était couru. Oh, ça, Toto est terrible dans ces cas-là. C'est la répétition de ce qui s'est passé avec Bobby. Voilà. Il est comme ça. On ne changera pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Personne ne le sait. Personne. Et la moufette, vous qui savez toujours tout. C'est un protégé de Zaza, et c'est lui qui lui offrait la soirée. Comment? Voilà tout ce que je peux vous dire. Comment? C'est celui qui offrait la soirée? Il paraît. Allons bon. Quoi, vous le connaissez? Mais oui, figurez-vous. Ah, voilà Zaza. Nous allons enfin savoir quelque chose. Allez, vite, Zaza, cher Zaza, des détails. Mais sur quoi? Comment, sur quoi? Sur qui? Sur l'homme du jour. Mais comment s'appelle-t-il? Nous voulons tout savoir. Mais où est-il? Il n'est pas parti. Non, il est allé les mettre en voiture, il va revenir. Alors, c'est la grande passion. Ah, ça m'en a tout l'air. La duchesse l'a invité à dîner pour demain. Oh. La duchesse l'a invité? Oui. Oh, alors c'est sérieux, elle le connaît son toto. Eh bien, Médéquian, comment va Lolotte? Oh, bien, bien, il est seulement un peu abattu. Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est trouvé mal. Non, pauvre Lolo. Oh, mais parlez-nous un peu de son successeur, voyons Zaza. Nous mourrons d'impatience. Eh bien, comment le trouvez-vous? Physiquement, c'est quelconque. Ah, je ne suis pas du tout de cet avis. Vous le trouvez bien? Je trouve qu'il a quelque chose, Jérémy. Je ne sais pas encore très bien quoi, mais il a quelque chose. Ce n'est pas ton avis, Bernard? Si, il a quelque chose. Oh, sûrement, n'est-ce pas? J'étais à côté de lui à table. Il ne parle pas beaucoup. Mais ce qu'il dit est très intelligent. Ah. Je trouve qu'il a beaucoup de distinction. Beaucoup? Il y a longtemps que vous le connaissez? Très très longtemps. Je crois même que nous sommes vaguement cousins. Le voilà! Je vous demande pardon, laissez-moi seul. Oh, c'est vrai qu'il est charmant. Toto, à l'œil. Vous savez, il se trompe rarement. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça? Vous inquiétez pas. Vous les avez mis en voiture? Oui. Vous y dînez demain? Ah non, je ne pouvais pas. Le samedi, j'ai ma petite amie. Vous n'avez pas accepté? Non. Oh, vous êtes inouïe. Ah, je vous assure que vous êtes inouïe. Pourquoi? Zaza, voulez-vous me présenter? Je vous prie. Monsieur la moufette, mon cousin Albert Tavernier. Je suis votre cousin maintenant? Oui, c'est mieux. Ah, bon. Voulez-vous me présenter à monsieur Zaza? Monsieur Bernard de Jussy, monsieur Albert Tavernier. Ah. Ravi de vous connaître. Merci. Mettez qui, hein? Merci. I'm Charlie Osborne. Pardon. Merci, monsieur. Vous connaissez Lady Wilford? Non. Oui, madame. Je suis enchantée, monsieur. J'ai un petit cocktail dîner après-demain chez moi. Me ferez-vous le plaisir d'être des nôtres? Vous êtes bien aimable. Cher monsieur Tavernier, je donne un dîner au Ritz mercredi. Est-ce que vous voudrez bien venir? Oui, merci beaucoup. Voulez-vous me garder votre soirée du 30, cher monsieur, où nous serons entre nous? Vous retrouverez tous nos amis. Oui, mais seulement pour me rappeler tout ça. Ne vous inquiétez pas, cher Albert, je vous le rappellerai. Elle me le rappellera. Je veux dire que vous en avez une chance. Mais vous rendez-vous compte de ce qui vous arrive? Je suis lancé. Lancé? Mais vous allez être l'homme le plus à la mode de Paris, tout simplement. Ah oui? Vous verrez. Mais alors dites, les deux autres soirées, c'est peut-être pas la peine qu'on les donne. Oh, c'est tout à fait superflu maintenant. Ah bah alors ça c'est une vraie chance. Ah, ma petite papou, venez ici, ma petite papou, que je vous fasse faire la connaissance d'Albert. Oh, mais nous connaissons déjà. Vous connaissez? Oh, mais c'est parfait alors. Soyez aimable, il peut vous être utile. Vous ne dansez pas? Ça alors? Quoi? C'est le bouquet. Mais quoi? Non, madame, je ne danse pas. C'est un foxtrot, vous savez. Foxtrot ou pas, c'est pareil, je ne danse pas. Je regrette. Voilà. Cher monsieur Tavernier, voulez-vous danser avec moi? Oh, mais avec vous, je veux bien. Thank you. le bureau des directeurs à l'usine Tavernier-le-Comte. Ah, tout de même. Quoi tout de même? Bah, tu te décides. On est sorti de table à 3h moins le quart. Je te fais remarquer que tu arrives tous les jours un peu plus tard. J'arrive quand je peux, mon vieux. Si tu crois que c'est drôle, le métier que je fais. Oh, pour ce que ça sert. Pour ce que ça sert. Tu ne fais que me répéter ça toute la journée. Mais attends, mon vieux, attends. Pas seulement une commande. Mais attends, bon Dieu. Ça n'est pas en 8 jours que ça peut venir. Tu as entendu ce qu'a dit la princesse l'autre jour. Oh, laisse-moi tranquille avec ta princesse. J'y crois pas, moi, à ton système, là. Bon, eh bien, n'y crois pas, je m'en fous. Il ne te ruinera toujours pas, mon système. On devait donner 3 soirées au minimum, et avec une, j'ai été lancé. Lancé. Quoi? Ben, si tu étais si lancé que ça, on s'en apercevrait. Tu sais combien j'ai reçu d'invitations rien que ce matin? Mais je te parle pas d'invitations, je te parle de commandes. Mais tu ne comprends pas que le difficile, c'est de décrocher la première. Une fois qu'on l'a, les autres viennent toutes seules. Ben alors qu'est-ce que tu attends pour la décrocher? J'attends qu'il y en ait un qui se décide, pardi. Veux-tu que je te dise? Eh ben pour moi, tu sais pas t'y prendre. Ah non? Dis, tu veux changer avec moi? Faut pas te gêner, tu sais. Je ne demande pas mieux. Oh bah, j'ai assez à faire à m'occuper des ateliers. Bon, alors, fais ton boulot, tu veux, et laisse-moi faire le mien. T'appelles ça un boulot, ce que tu fais? Ah bah, t'as pas peur. Et comment il faut que je l'appelle? Une partie de plaisir? On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est. Ah, pauvre petit, hein. Il y a le duc d'Ange qui est là. Oh, alors bon, qu'est-ce qu'il veut encore? Bah, il demande après vous. Vous avez dit que j'étais là? J'ai dit que j'allais voir. Bah, dites que je ne suis pas arrivé. Reçois-le, toi. Moi? Oui, oui, enfin, tu peux bien faire ça, non? Alors, pardon, qu'est-ce qui s'occupe de la clientèle? Est-ce toi ou moi? C'est moi, sauf quand je dors, et pour l'instant, je dors. Alors, Gaston, vous me réveillerez à 4h15, hein? Et puis jusque-là, qu'on me fiche la paix, vous entendez? Bien, monsieur. Allez, bonsoir. Charmant. Je fais entrer le duc. Madame, puisque il faut que je fasse tout ici. Bien. Oh là là là là là là. Tout ça, c'est... Enfin. Monsieur? Bonjour. Monsieur Tavernier n'est pas là? Il n'est pas encore arrivé. Pas encore arrivé? Mais quelle heure est-il? Oh, 3h15. Il m'avait dit ce matin au téléphone qu'il serait ici à 3h au plus tard. Bah, il aurait été empêché. Vous ne voulez pas prendre la peine de vous asseoir? Non, merci. Dites-moi, pensez-vous qu'il tarde beaucoup? Je ne pourrais pas vous dire, mais si je peux le remplacer... Non, j'avais besoin de lui parler personnellement. Ah, si vous pouviez revenir. De revenir? Ah ben ça, je ne peux pourtant pas passer ma journée entre Paris et Billancourt. Ah ben, assurément. Non, je voulais lui demander de me conduire jusque chez moi à Champy dans l'heure. Ah, parfaitement. C'était l'occasion pour lui de me faire faire un essai de sa voiture et j'avais pensé que cela pourrait l'intéresser. Mais certainement. Ben, Champy est à 150 km, j'aurais eu tout le loisir de me rendre compte des qualités de votre châssis. Mais tout à votre disposition. Nous aurions pu partir vers 5h de façon à arriver là-bas pour dîner. Mais c'est une affaire entendue. Et quel jour vous conviendrait? Eh bien, ça m'aurait arrangé aujourd'hui, précisément. Ah, aujourd'hui? Vous ne pourriez pas attendre quelques instants? Et pourquoi? Bah, je me souviens maintenant qu'il m'avait parlé d'un rendez-vous chez un client qui m'a... Oh, pas loin d'ici, justement. Je pourrais lui faire porter un message. Ah, c'est que je suis assez pressé. Oh, on stade de pas. Vous bien l'étiez? Une seconde. Ah, madame la princesse. Comment allez-vous, cher monsieur le comte? Et vous-même? Excusez-moi d'entrer ainsi à l'improviste. Albert est là? Non, cher ami, non, il n'est pas là. Cher Toto, quelle bonne surprise. Vous êtes venu voir Albert, vous aussi? Oui, mais c'est quelqu'un de fort difficile à rencontrer. Ah. Eh bien, je vais tâcher de mettre la main dessus, vous m'excusez. Mais allez, mon ami. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là? Ah, ça, je ne me charge pas d'expliquer sa conduite. Elle est fort étrange, cher ami, fort étrange. C'est le moins qu'on puisse en dire. Vraiment? Il faudra d'ailleurs que j'aie une petite conversation avec vous à son sujet. Mais je suis à votre disposition, cher Toto. Non, quand nous serons seuls. Je l'ai envoyé chercher. Mais bon, vous pensez qu'on le trouvera? Oh, mais certainement. D'ailleurs, il n'est pas tard. Pour partir à 5h, vous avez tout le temps. Oh, je ne compte plus guère sur ce départ. Quel départ, cher Toto? Eh bien, j'avais pensé un moment de demander à M. Tavernier de m'emmener dîner à Champy dans sa voiture. Nous serions rentrés demain pour déjeuner. Mais quelle bonne idée! Je suis assez fatigué, m'étant un peu trop survenu cet an dernier. Une détente de quelques heures au grand air m'aurait fait du bien. Bien sûr! Mais dites-moi, êtes-vous sûr qu'il acceptera? Lui? Mais il sera fou de joie, cher Toto. Oui, oh, ça, j'en suis pas sûr. Car il est assez difficile de prévoir ce qui peut lui plaire. C'est une personne assez décevante sous ce rapport. Je suis un peu étonné de son attitude en général. Ça, je vous avoue que je ne suis guère habitué à cela de la part des personnes auxquelles je m'intéresse et que s'il devait y persister, je finirais par me décourager. Ça, vous devez le comprendre. Je le comprends très bien, cher Toto. Mais ce ne peut être qu'un malentendu. Oh, si vous saviez comme il parle de vous. Ah, il vous parle de moi ? Constamment ! Ah, et que vous dites-il ? Il dit que vous êtes tellement gentil avec lui. Ah. Il paraît que vous lui avez encore fait un ravissant cadeau, ce porte-cigarette. Mais c'est une folie ! D'où mon petit souvenir ? Il en a été profondément touché, vous savez. Non, vraiment ? Oh ! Il était comme un enfant. Il ne cessait de le regarder, de le montrer à tout le monde. Et puis enfin, tout ce que vous faites pour lui, oh ! Il serait bien ingrat s'il ne vous en avait pas une immense reconnaissance. Eh bien, il va avoir l'occasion de me l'approuver en me conduisant ce soir à Champy. S'il refusait... Mais il ne refusera pas. Espérons-le, cher ami, car s'il refusait, j'aurais le regret, moi, de renoncer à lui témoigner une sympathie qu'il ne paraît guère apprécié. Mais la question ne se pose pas, je vous le répète, il sera ravi. Oui, je ne vais malheureusement pas pouvoir attendre plus longtemps. J'ai rendez-vous à 4 heures avec le costumier. Partez tout à fait tranquille, cher Toto, je vais l'attendre. J'arrangerai tout avec lui et à 5 heures, il ira vous prendre. Non, non, je préfère revenir ici. Oui, c'est presque sur le chemin et nous gagnerons du temps. Comme vous voudrez. Alors, à bientôt, cher ami. À demain pour la répétition. Oui, c'est juste, à demain. Et merci. Mais de quoi, cher Toto ? Je m'entends. Alors, à demain ! Le duc est parti ? À l'instant ! Et Albert, il n'est pas descendu ? Comment, il était donc là ? Mais naturellement, il était en haut en train de dormir. Oh ! Bah alors, il n'y a pas moyen de dormir ici. Ah, vous voilà. Voilà, oui. Ah, c'est intelligent de ne pas venir quand Toto vous attend. Je dormais. Mais vous auriez pu descendre quand on vous a dit qu'il était là, c'était poli. Je n'avais pas assez dormi. Oh, enfin, j'ai arrangé ça comme j'ai pu. Voilà, vous partez tout à l'heure avec lui dans votre voiture pour Champy, sa propriété dans l'heure. Vous serez de retour demain. Ah non. Ah non, oh, ça, il n'y a rien à faire. Comment ? Je vais lui dire, mais je ne veux pas. Vous ne voulez pas ? Non. Vous plaisantez, n'est-ce pas, mon cher Albert ? Non, je ne plaisante pas du tout. Je ne veux pas y aller, et puis c'est fini. Comment ? Tu as l'occasion de vendre une voiture et tu refuses ? S'il veut commander une voiture, il n'a pas besoin de ça pour se décider. Mais il dit qu'il veut faire un essai. Ben, il en a déjà fait 3 des essais avec moi. Tout ça, c'est des histoires. Mais enfin, Albert, vous ne pensez pas sérieusement à refuser ce que Toto vous demande ? Si. Est-ce que vous êtes devenu fou ? Pourquoi ? Écoutez-moi, Toto est fatigué, il a besoin de prendre l'air. Oui, oh, ça... Et laissez-moi parler. Après tout ce qu'il a fait pour vous, car vous vous rendez compte, j'espère, de ce que vous lui devez. Vous avez l'occasion aujourd'hui de lui témoigner votre reconnaissance. Il vous demande, comme un service, de l'emmener à Champy, dans son admirable propriété, une des plus belles de France, où vous verrez les plus merveilleux jardins, un château splendide, et d'y passer une soirée tranquille en tête-à-tête avec lui. Justement. Et quoi, justement ? C'est à cause du tête-à-tête. Quand il y a du monde, ça encore, je veux bien. Mais avec lui seul, ah non, non. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien... Ça veut dire que... Ben quoi ? Dis-le ! Non, non, je ne veux pas y aller, et puis voilà. Oh, ça par exemple ! Enfin, voilà un homme qui est tout prêt à nous passer une commande. Tout ce qu'il demande, c'est que tu l'emmènes dans son château à 150 km de Paris, et tu veux pas le faire ? Non mais dis-donc, tu veux un peu fort ? Enfin, si tu veux plus en fichu de ce goût, si, il vaut mieux le dire tout de suite. Tu veux que je te dise pourquoi ? Mais certainement que je veux que je dise pourquoi ! Bon, eh bien, il a des manières qui ne me reviennent pas, voilà. Quoi, quelle manière ? Je sais ce que je dis. Des trucs comme ça, avec le coude, là, et puis des façons de me regarder. Tiens, quand on est en voiture, il colle sa jambe à côté de la mienne. Il me dit que j'ai des beaux yeux, une jolie voix. Que je... bah, non, mais dis, sans blague. Pas possible. Parfaitement, oui. Ah, il est comme ça, le duc ? Oh, mais Albert, imagine là des choses. C'est ça, dites que je me vante, alors. En tout cas, vous me surprenez beaucoup. Oui, oui. Eh bien, demandez un peu à mon chauffeur ce que le sien lui a raconté l'autre jour pendant qu'il attendait ensemble. Oh, le chauffeur exagère toujours. C'est possible, mais je préfère me tenir à carreau avec lui, moi. Parce que... C'est pas du tout mon genre, ces machins-là. Chacun son goût, n'est-ce pas ? Moi, les femmes me suffisent. Bon, c'est entendu, vous aimez les femmes. Et après ? Est-ce une raison pour ne pas vous montrer un peu plus gentil, reconnaissant vis-à-vis de Toto ? Oui, et si ça ne lui suffisait pas, au frère ? Mais ça lui suffira, vous ne le connaissez pas, Toto. C'est avant tout un sentimental. En le prenant pour les sentiments, vous en ferez tout ce que vous voudrez. Si ça ne vous fait rien, moi, j'aime autant ne le prendre ni comme ça, ni autrement. Ah, je vous préviens que si vous n'allez pas à Champy, c'est la rupture. Il ne me l'a pas caché. Mais tant pis, je me ferai une raison. La rupture avec Toto. Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est l'effondrement immédiat et total de votre situation mondaine. Eh bien, que voulez-vous? Oh, alors, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, tout l'argent que vous avez dépensé, mes efforts personnels pour vous lancer, tout ça n'a servi à rien, peu vous importe. Ah, et puis, il y a la commande que vous oubliez. La commande? Les commandes, vous voulez dire? Comment? Mais mon cher monsieur, le jour où vous aurez livré une voiture à Toto, ce n'est pas une, c'est 10, c'est 20 voitures que vous vendrez dans la semaine qui suivra. Tous les gens du monde voudront avoir la même. Vous croyez? Mais j'en suis sûr. J'ai l'habitude, vous savez. Oh, bah alors ça, mon vieux, y a pas d'erreur, faut y aller. Ah, bah, je te remercie, dis donc. Oh, quoi, c'est pas une affaire, quoi. On voit bien que ça n'est pas de toi qu'il s'agit. Oh, vous vous faites un monde de ce petit voyage à Champy. Il n'y a pas lieu, je vous assure. Tout ce que veut Toto, c'est passer une soirée tranquille, au bon air, en causant avec vous. Ça l'amuse de vous montrer son parc, ses parterres de fleurs. Je ne vois pas ce qui peut l'amuser là-dedans. Mais il a beaucoup de sympathie pour vous. Vous ne pouvez pourtant pas lui en vouloir. Non, ça c'est vrai. Oui, mais après. Après quoi? Après qu'on aura visité les parterres. Eh bien, vous dînerez, vous boirez d'excellents vins. Il a une cave incomparable. Ah, c'est ton affaire à toi. Tu aimes ça, toi, les bons vins, hein? Vous fumerez un bon cigare sur la terrasse, dont on a une vue merveilleuse. Et puis... Oui, et puis... Eh bien, mon Dieu, vous direz que vous êtes fatigué, vous irez vous coucher. Tu mettras le verrou, quoi. Ah, je t'en prie, ne te fous pas de moi, toi. Et demain matin, vous rentrerez à Paris. Tout ça n'est vraiment pas bien terrible. Mais non. Oui, vous arrangez ça à votre idée. Ah, et puis, attends, tu ramènes directement ici et on prend sa commande, pas de blague. C'est encore à savoir s'il la passera, la commande. Il la passera si vous savez vous y prendre. Mais oui. Et puis d'abord, je serai là, moi. Je lui parlerai. Oh, alors, si tu es là, tout va bien, nous sommes sauvés. Oh, je suis pas plus mauvais qu'un autre à la vente, tu sais. Non. Ben alors, qu'est-ce que tu attends pour prendre ma place? Allons, ne vous disputez pas. Ah, Albert, il faut envoyer chez vous dire qu'on prépare votre valise. Il me faut une valise? Ah ben, il vous faut de quoi passer la nuit, hein, porter un smoking. Mon smoking, pour quoi faire? Et Toto s'habille toujours pour le dîner. Il faut que je me déguise en plus, c'est complet. Écoutez, voulez-vous que je me charge de tout si vous avez affaire ici? Je passerai chez vous en rentrant et je ferai faire la valise sous mes yeux. Ah, ce n'est pas une sinécure de s'occuper de votre carrière mondaine, vous savez, mon cher Albert. J'ai jamais eu tant de mal avec personne. Ben, Toto sera ici à 5 heures, soyez prêts, n'est-ce pas? Il vient ici? Oui, je lui avais offert que vous passiez le prendre, mais il a préféré venir vous chercher. Il a peur que je me perde en route. Oh, sapristi! Quoi? Je l'ai complètement oubliée, la pauvre petite. Qui? Écoutez, Albert, vous allez accueillir sans méchanceté une petite amie à moi qui m'a accompagnée jusqu'ici et qui attend dans sa voiture que je la fasse appeler. Elle est navrée d'un petit malentendu qui s'est produit entre vous l'autre soir chez Lady Whitford et elle m'a supplié de faire la paix avec vous. Je vois ce que c'est. Eh bien, elle a un fier toupet, celle-là. Oh, ne lui tenez pas rigueur. Elle ne pouvait pas savoir. Vous l'envoyez chercher? Si ça peut vous faire plaisir. Merci. Je voudrais l'aider un peu, elle aussi, dans le monde, cette petite. Malheureusement pour elle, il n'y a pas de Toto. Voulez-vous aller chercher une dame qui attend dans sa voiture à l'entrée et la conduire jusqu'ici? Bien, madame. Dis donc, je vais m'occuper de faire préparer la voiture. Veux-tu que je la fasse passer au réglage? Ou qu'il y aurait quelque chose? Ben, si tu veux. Donc, les pneus sont bons, il n'y a pas à en changer? Non? Ben, je vais jeter un petit coup d'œil moi-même. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que vous êtes gentils tous les deux? Mais bien sûr. D'abord, est-ce que tout le monde n'est pas gentil pour vous, mon cher Albert? Oui, même un peu trop. Venez, ma petite papou. J'ai plaidé pour vous et je crois qu'on vous a presque pardonné, n'est-ce pas, Albert? Oui, je vais vous laisser avec lui pour que vous acheviez de gagner votre cause. Vous partez, chère Zaza. Ma chère, vous savez l'heure qu'il est? J'ai 2 expositions, 1 vente de charité, 3 cocktails, et il faut que je sois à 9h à Neuilly, chez les Châtel-Gérard. Je ne sais pas comment j'y arriverai. Au revoir, ma petite papou. Je vous la confie. Soyez gentille. Ne vous mettez pas en retard. Toto viendra vous chercher à 5h, il est toujours exact. Ah, Albert, et avec lui aussi, soyez gentille, n'est-ce pas? Bon, à tout à l'heure. C'est ça. À demain. Asseyez-vous. Merci. Vous m'en voulez encore? Oh, ma foi, non. Non, si. Je vois bien que vous m'en voulez. Je vous demande pardon, là. Il n'y a pas de quoi. Non, si, j'étais stupide. Je ne peux pas savoir, comme j'étais navrée en rentrant chez moi, je n'en ai pas dormi de la nuit. Pas possible. Je vous jure, j'étais tellement énervée de ce ridicule malentendu. Vous avez dû penser que j'étais très mal élevée, n'est-ce pas? Non, ne parlons plus de ça. Ça n'en vaut pas la peine. Je veux bien ne pas en parler, mais alors... Jurez-moi que vous ne m'en voulez plus. Mais non, je ne vous en veux plus. Jurez? Je le jure. Vous êtes très gentil. Moi aussi, je vous en ai un peu voulu, vous savez. Vous m'en avez voulu ? Oui. Vous êtes joliment moqué de moi, en somme. Moi, je me suis moqué de vous ? Mesdames. Et quand est-ce que je me suis moqué de vous ? Eh bien, quand nous étions ensemble. Et vous m'avez dit toutes ces choses dont vous ne pensiez pas le premier mot. Mais quelles choses ? Je ne sais plus maintenant que vous me trouviez jolie, que vous aimiez mon parfum, que vous aviez envie de me revoir. Eh bien ? Je crois même que vous m'avez dit que vous pourriez très facilement tomber amoureux de moi. Mais parfaitement. Eh bien, je ne trouve pas ça très bien de votre part, voilà. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu prendre ça au sérieux. Supposez que j'ai accepté le rendez-vous que vous me proposiez. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Comment ? Ce que j'aurais fait ? Oui. J'aurais été très content. Vraiment ? Ben, tiens. Et Toto ? Vous croyez qu'il aurait été content ? Qu'est-ce que Toto vient faire là-dedans ? Oh, écoutez, il ne faut pas me prendre pour une sotte, non. Je vais peut-être pas beaucoup dans le monde parce que je sors très peu, mais je sais tout de même ce qui s'y passe. Et alors ? Alors, rien, non, parlons plus. Non, écoutez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Mais il y a une chose sûre. C'est que quand je vous ai dit l'autre soir que j'étais sur le point de tomber amoureux de vous, eh bien, c'était la pure vérité. Vraiment ? Mais parfaitement. Et... même encore, maintenant, vous savez, il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça me reprenne. Oh, chiche. Chiche ? Oui. Ah, prenez garde. Prenez garde vous-même. À quoi ? Si je vous prenais au mot, et si je vous proposais, par exemple, de m'emmener faire un tour en auto tout à l'heure. Tout à l'heure ? Oui, sur le coup de 5 heures, tenez. Ça vous irait ? Vous le faites exprès, n'est-ce pas ? Moi ? Oui, vous avez entendu ce qu'a dit la princesse en partant, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que Toto venait me chercher à 5 heures. Ah, vous voyez bien. Qu'est-ce que je vois ? Oh, comme c'est vilain de se moquer des gens. Vous êtes bien embêté en ce moment. Ah, vous croyez ? Eh bien, vous allez voir. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je vais me décommander, mardi. Mais vous êtes fou ! Ah, pardon. Mais non, je plaisantais, j'ai entendu ce qu'elle disait. Ça, j'ai dit ça pour vous taquiner. Ça m'est égal. Non, ne faites pas de bêtises. Je ne vous pardonnerai pas de vous décommander. Tant pis. Au fond, je préfère ça. Vous ne voulez pas vous brouiller avec lui, voyez ? Si. Mais vous n'y pensez pas, voyons. Non. Alors, écoutez-moi, non. Allez, laissez-moi téléphoner, sinon il va s'amener, il sera trop tard. Mais non ! Ça, par exemple. Faites mal. Ça n'est pas vrai. Je vous en prie. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'abord que j'y aille ou que je n'y aille pas ? Je ne veux pas porter la responsabilité de votre brouille avec Toto. Où deviez-vous aller tous les deux ? Chez lui, dans l'heure. À Champy ? À Champy, oui. Oh, vous en avez de la chance. Il paraît que c'est tellement beau. C'est possible. Allez, ôtez-vous de là. Ah, mais non, je ne monterai pas. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas ne pas y aller. Et moi, je vous dis que je n'irai pas, là. Si, vous irez. Non. D'abord, je ne voulais pas y aller. C'est les autres qui m'ont forcé. Mais maintenant, la question est réglée. Et si je vous demande moi d'y aller ? Vous ? Oui. Vous avez une raison, alors ? Mais tant que j'ai une raison de... Ah, et laquelle ? Je vous la dirai si vous lâchez cet appareil et si vous vous écartez du bureau. Bon, allez-y. Je vous écoute. Là. Venez vous asseoir, là. Bon. Alors ? Je ne veux pas que vous vous fâchiez avec Toto parce que je... Parce que ? Parce que je voudrais que vous lui demandiez quelque chose. Pour vous ? Oui. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que je lui demande ? Je voudrais aller à la fête costumée du 4 chez Marie-Justine. Ah bon ? J'y suis maintenant. Zaza l'aurait bien demandé pour moi à Marie-Justine, mais elle a eu peur d'un fût. Tandis que si c'est Toto qui lui demande, elle le fera. Elle fait tout ce qu'il veut, vous comprenez ? Oui, je comprends même très bien. En somme, c'est pour ça que vous êtes venu vous raccommoder avec moi. Mais non, c'est pas pour ça, je... Mais si ! Ça vous démange donc tant que ça d'y aller à cette fête ? Ça m'amuserait, oui. Il paraît que les fêtes sont très jolies chez Marie-Justine. Alors vous tenez à y aller ? Oui, naturellement. Vous y tenez beaucoup ? Oh, beaucoup. Mais un peu ou beaucoup ? Oh, eh bien, oui, là, j'y tiens beaucoup. Ah, bon, eh ben, il faut le dire. Il n'y a rien de tel que de s'expliquer. Et qu'est-ce que vous feriez pour ça ? Comment est-ce que je ferais ? Oui, si je fais ce que vous me demandez, qu'est-ce que vous êtes disposé à faire, vous, en échange ? Il faut que je fasse quelque chose ? Ben, dame, c'est bien le moins, il me semble. Quoi ? Oh, il faudrait être très gentil. Mais je suis très gentille, non ? Encore beaucoup plus gentille que ça. Ah, oui. Oh là là, c'est fou ce qu'il faudrait être gentil. Mais encore ? Eh bien, il faudrait me promettre que si je vous fais inviter chez Marie-Joséphine... Oh, Marie-Joséphine ! Marie-Justine, voyons. Ah oui, enfin Justine, si vous voulez. Il faudrait vous promettre... Que vous viendriez faire une balade en auto avec moi, dimanche, par exemple. On ira déjeuner dans un patelin que je connais très bien, près de Rambouillet, un petit hôtel, tout ce qu'il y a de gentil, où on est tranquille et tout. Tranquille et tout, voyez-vous ça ? Oui. Eh bien non, je ne peux pas vous promettre ça. Pourquoi ? Mais pour qui me prenez-vous ? Je suis une honnête femme, vous savez. Voulez-vous, oui ou non, aller chez Marie-Justine ? Pas à ce prix-là ! Non, tout de même. Eh ben, n'en parlons plus. Où allez-vous? Je vais téléphoner. Oh, vous êtes d'une maladresse en ce moment. C'est vrai? Vous êtes en train de gâcher la sympathie que je commençais à avoir pour vous. Pas possible. Ah, je n'aurais jamais cru ça de vous. Ah, je me suis bien trompée sur votre compte. Ah, sapristi, quelle déception. À ce point-là? Je me figurais que vous étiez quelqu'un de sensible, de délicat. Ah, ben oui, parlons-en. Oh, non, non, non. Moi, je ne suis pas délicat. Ah, ben, ça se voit. Avoir recours à un pareil chantage. Ça, c'est l'habitude des affaires, vous comprenez? Il est possible que ces procédés-là réussissent en affaires, mais je vous assure qu'en amour, ils n'ont aucune chance. Oh, mais je ne les emploie pas en amour, non plus. Pensez-vous, l'amour, c'est une autre paire de manches. Charmant. Alors, je téléphone. Hein? Oh, faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Je vous demandais ça pour le cas où vous auriez changé d'avis. Vous êtes tombé bien bas pour changer d'avis après ce que vous venez de me dire. Si je vous avais dit que c'était de l'amour, vous ne l'auriez pas cru, voyons. Je ne l'aurais pas cru, mais vous auriez pu le dire tout de même, ça se fait ces choses-là. Je ne sais pas du tout de quelle femme vous avez l'habitude, mais ce ne sont évidemment pas des femmes du monde. Oh, non. Oh, les femmes du monde, moi, ça ne me dit rien. Mais qu'est-ce que vous croyez donc je suis à la femme? Alors, ne vous fâchez pas. Vous avez une façon de me traiter. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous m'avez humilié, vous m'avez blessé. Allons, bon. Jamais je ne vous le pardonnerai. Oh, voyons. Mais laissez-moi. Vous n'allez pas pleurer pour ça. Je pleurerai si je veux, là. Oh. Laissez-moi, je vous dis. Je vous demande pardon. Non, il est trop tard. Là, pourquoi? Je ne pourrais jamais oublier ce que vous m'avez dit. C'est vrai? En tout cas, il me faudrait beaucoup de temps pour l'oublier. Beaucoup de temps? Oh oui. Ah, ça, c'est ennuyeux parce que, justement, c'est le temps qui nous manque. L'autre va arriver maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Pas à moi de vous le dire, non? Alors, faites-moi une petite promesse et j'y vais. Rien du tout. Une toute petite promesse? Non. Ou alors... Attendez, j'ai une idée, mais une idée magnifique. Oh, mais alors ça... Quoi? Vous ne savez pas ce que vous allez faire? Vous allez venir avec nous? À Champy? Oui. Oh, vous êtes fou. Mais pourquoi? Ça arrange tout. Avec vous, ça n'a plus d'inconvénient que j'y aille. Et comme ça, nous aurons le temps de causer un peu tous les deux. Hein? Oh, mais vous n'y pensez pas. Voyons, jamais une toto vous voudra. Mais si. Mais il sera furieux, il ne me connaît même pas. Eh bien, vous ferez connaissance. C'est une belle occasion. Vous croyez qu'il ne m'en voudra pas? Mais non. Je serai très intimidée. Il me trouvera stupide. Intimidée, vous? Ça m'étonnerait. Devant lui? Oh, si, par exemple. Vous verrez, il est très gentil, pas fier pour un sou. On le collera devant, à côté du chauffeur, et nous deux, on se mettra derrière. Ah non, c'est pas possible, vous ne songez pas à ce que vous dites. Eh bien, on serra, et on se mettra tous les trois derrière, s'il le faut. Vous trouvez très indiscret de venir chez lui comme ça. Ne vous en faites pas, j'arrangerai ça. Oh, je suis tout de même inquiète, vous savez. Pourquoi? Mais à cause de Toto, mais... Mais puisque je vous dis que je prends tout sur moi. Dites-moi, est-ce que vous croyez que je dois appeler Toto, monsieur le duc? Oh, ça, vous savez, moi, ces choses-là, hein. Dites. Quoi? Vous êtes content d'aller là-bas? Ah oui. Et à qui est-ce que vous devez ça? Hein? À qui? À ce petit Albert, il me semble. Oui, bien. Eh bien, mais je trouve que vous pourriez faire quelque chose pour lui, non? Quoi? Ah, je ne sais pas, vous pourriez peut-être l'embrasser, par exemple. Vous êtes fou. Vous ne voulez pas? Mais non, je ne veux pas. Monsieur le duc d'Anche est là. Bon, eh bien, priez-le d'attendre. Vous ne voulez pas m'embrasser? Non, je ne veux pas vous embrasser. Ah, bien. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que vous décidiez. Mais Toto est là. Je sais. Mais vous n'allez pas le faire attendre. Si, jusqu'à ce que vous m'ayez embrassé. Oh, toujours le chantage, alors. Bah, il faut bien. Oh, c'est joli, c'est élégant. Tenez, là. Oh, vous appelez ça embrasseur? Ça ne suffit pas? Non. Oh, yach, vous me le périez. Comme ça, oui. Faites entrer le duc. Mais soyez vos laid, vous avez du rouge. Merci. Monsieur le duc, j'ai bien l'honneur. Bonjour. Mais je vous dérange... Du tout. Vous connaissez? Non. Monsieur le duc d'Anche, Madame Fleury-Bresson. Madame, vous avez vu ça là? Oui. Elle vous a mis au courant? Oui. C'est possible? Mais certainement. Nous vous attendions. Vous m'attendiez? Oui. Mais... Madame aussi? Oui. Parce que figurez-vous que je devais justement lui faire faire un essai dans ma voiture. Alors, si ça ne vous fait rien, on pourrait l'emmener. On ferait d'une pierre deux coups. Mais l'emmener... Mais... Où? Eh bien, là-bas. À Champy? Oui. Ah. Fort bien. Mais si ça contrarie le duc le moins du monde, je peux... Mais pensez-vous, ça ne le contrarierait pas du tout, n'est-ce pas? Au contraire. Ah, oui. Je crois que ça ne vous dérange. C'est une idée. Qu'avais-tu, monsieur Tavernier? Ça ne m'étonne pas. Je n'en attendais pas moins de lui. N'est-ce pas que c'est une bonne idée? Moi, c'est une idée remarquable. Vous avez soudain des idées comme ça? Ben, mon Dieu. Je vous fais mes compliments. Je sens que ce petit voyage va être charmant. Vous voyez? Oui, j'aurais seulement que vous ne m'ayez pas prévenu plus tôt. J'aurais fait préparer une chambre de plus. Oh, ça n'a pas d'importance. Je trouverais bien un coin à me caser. Oh, ce ne sont pas les coins qui manquent à Champy, mais vous n'y seriez pas à votre aise. Non, il y a heureusement une auberge dans le village où l'on vous recevra fort bien. Ah? dans le village? Oui, un de mes amis a logé un chauffeur l'an passé, il a été très content. Mais quand partons-nous? Mais quand vous voudrez, on va passer chez madame pour prendre sa valise et puis en route. Parfait, parfait. Bon, alors allons-y. On va se mettre tous les trois derrière, hein? On sera mieux pour causer. Mais vous ne craignez pas que nous soyons un peu serrés? Non. Oui, je serais d'avis que vous vous mettiez devant, à côté du chauffeur, et que je tienne compagnie derrière à madame, si elle le permet. Ce sera un très grand honneur, monsieur le duc. Et pour moi, un très grand plaisir. Passez, madame, je vous en prie. Pardon. Elle est charmante. N'est-ce pas? Est-ce que c'est votre maîtresse? Du tout. Non, bien vrai? Absolument. Eh bien, tant mieux, car elle me plaît infiniment. Hein? Oui, vous avez décidément, mon cher Albert, d'excellentes idées. Sans blague. Oh, ça alors, ce serait le comble. Chez Toto, à Paris. Un petit salon dont une porte ouverte à deux battants donne sur le grand salon. Toto s'excuse. Il achève de dicter quelque chose à son secrétaire. Il travaille encore? Oh, ne m'en parlez pas. Il est rentré de Champy à 1h30, il a pris 20 minutes pour déjeuner et à 2h, il répétait avec Apraxie. Oh, le danseur? Mais oui, parce que Toto doit danser quelque chose après les entrées. Oh, très bien. Oh, n'en parlez pas, c'est une surprise. Monsieur Météquion, voulez-vous un cocktail? Mais avec plaisir. Venez avec moi. Tu es sûr de ça? C'est Alix qui me l'a dit tout à l'heure quand je suis arrivé. Mais j'ai déjeuné avec Zaza. Elle ne m'en a rien dit. Tenez, la voilà, Zaza. Nous allons tout savoir. Oh, ça... Eh bien, Zaza, vous en faites des cachotteries. Moi? Bonsoir, Coco. Quelle cachotterie est-ce que je fais? Mais vous ne m'aviez pas dit que Madame Fleury-Bresson était du voyage, à Champy. Mais je n'en savais rien. J'ai appris cela il y a une demi-heure. Mais qu'est-ce que ça signifie? Toto la connaissait à peine. Il ne la connaissait même pas du tout. Et alors? Eh bien voilà, ils ont fait connaissance. Vous l'avez vue, elle? Je la quitte à l'instant, je l'ai laissée en train de se changer pour venir ici. Ah, elle ne perd pas de temps, votre petite amie. Elle a beaucoup de suite dans les idées. Ah, décidément, nous aurons tout vu. Oui, ça va. Ah, je trouve cette histoire inouïe. Elle est encore bien plus inouïe que vous ne pensez, la moufette. Ah, oh, bah voyons, asseyons-nous. Racontez-moi ça. Voilà, tout ce serait un peu long, mais l'essentiel suffit. Attendez-vous à quelque chose d'énorme. La moufette a quelque chose d'ahurissant. Oh, vous m'effrayez. Savez-vous où il a été décidé que Papou ferait une Dénéréide à la soirée du 4? À Champy, vous venez de le dire. Oui, mais où à Champy? Dans quel endroit? Devinez. Mais comment voulez-vous que je devine? Dans le lit de Papou à 1h du matin. Et savez-vous qui était couché avec elle dans ce lit? Toto. Hein? Oui, mon ami. Oh, vous en avez de bonnes. Ah oui, oui, oh, j'ai commencé par rire, moi aussi, mais quand elle m'a dit ça... Enfin, voyons, ma pauvre Zaza, vous n'y pensez je pas. Je vous dis que Toto a passé la nuit, ou du moins une partie de la nuit, dans le lit de Papou, là. C'est de la folie. C'est possible, mais c'est comme ça. Pas Toto. Oh, vous ne savez pas de quoi Toto est capable quand il veut se venger de quelqu'un. Mais de qui voulait-il se venger? Mais d'Albert, naturellement. Tavernier? Oui, de ce fou de Tavernier qui avait eu l'idée saugrenue d'emmener Papou à Champy alors que Toto avait organisé ce voyage pour être seul avec lui. Mais pourquoi Tavernier avait-il emmené cette femme? Ah, est-ce qu'on sait? Il s'est peut-être figuré qu'il avancerait ses affaires avec elle. Qu'il avancerait ses affaires? Oui, elle lui plaît assez, je crois. Comment? Il n'en est donc pas? Mais non. Il est pour femme? Mais oui. Oh, charmant! Mais vous le saviez? Bon, je n'en étais pas absolument sûr, mais je le craignais. Comment l'avez-vous présenté à Toto, alors? Et c'est Toto qui m'a prié de lui présenter. Vous auriez dû le prévenir, en tout cas. Il ne m'a rien demandé. C'est pas une raison. Et puis enfin, on ne peut jamais être sûr de ces choses-là. Oh, allons, voyons. Quand un homme est pour femme, ça se sait. Je les reconnais au premier coup d'œil, moi. S'il y en a un dans une soirée, je suis tout de suite lequel. Enfin, passons. Alors? Eh bien, je suppose que quand Toto a compris les intentions d'Albert sur Papou, il a décidé de la lui souffler pour lui donner une leçon. Du moins, c'est ce que j'ai reconstitué, car elle, naturellement, n'y a vu que du feu et s'imagine que c'est pour ses beaux yeux. Mais bien entendu, il n'a rencontré chez la dame aucune difficulté. Oh! Vous pensez bien, elle a été éblouie, la pauvre petite. Elle m'a dit que quand il était entré dans sa chambre, drapé dans une robe de chambre en satin cramoisi, elle avait eu l'impression d'être Lavallière et de voir entrer Louis XIV. On ne résiste pas à Louis XIV. Je suis atterré. Ah, je comprends ça. Toto. Oui. Mais êtes-vous sûr qu'elle ne se soit pas vantée? On n'invente pas une chose pareille. Allons donc, avec ça, que les femmes se gênent. Ah, c'est inespéré pour elle, voyons cette aventure. Et elle doit être d'un fier. Oh, je dois dire qu'elle a pris un petit air de supériorité. Mais voyons, dans 48 heures, tout Paris le saura. Et alors, savez-vous ce qui va se passer? Non, quoi? Eh bien, mes amis, quand ils vont savoir dans le monde que Toto a une maîtresse, ils voudront tous en avoir une. Oh, vous exagérez. Je n'exagère rien du tout, Jérémie. Tout ce que fait Toto est admirable. Ils se promèneront en chemise, place de la Concorde, qu'ils en feraient tous autant le lendemain. Cette histoire-là est parfaitement capable de mettre les femmes à la mode. Oh, et alors ça? Ce sera gai. Ah, tu peux le dire. Ou il faudra se livrer aux mêmes extravagances et... Ça non, merci bien. Ou faire semblant ce qui est odieux. De toute façon, notre situation deviendra intenable. Ce n'est pas ton avis, Bernard? Oh, désagréable, en tout cas. Mais vous voyez les choses trop en noir. Vous verrez, cher ami, vous verrez ce que je vous dis. Je les connais, tous ces moutons de panurge. Bon, voilà, écoute, Bernard, il faut faire quelque chose. Quoi? Mais je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose, c'est trop grave. C'est trop grave. Tiens, tu devrais lui parler, toi, Lolotte. Mais pourquoi moi? Oh, tu es tout désigné. Oh, faut absolument lui crier casse-cou. Mais oui, parce que peut-être il ne se rend pas compte. Mais où ça s'est-il passé? Hier, à Champy. Oh, je trouve ça formidable. Oh, mes enfants, nous lui devons peut-être une fière chandelle. Mais je ne comprends pas. Comment? Tu ne comprends pas que cette histoire peut tout changer pour nous? Qu'elle peut nous réhabiliter? À qui? Mais nous, les femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air bien excitées toutes les trois. Oh, mais il y a de quoi. Écoutez. Tenez. Regardez-les qui conspirent déjà. Je vous parie que la nouvelle commence à se répandre. Oh, mais ça, c'est probable. Il faut agir, mes amis, il faut agir tout de suite. La voilà. Qui? Eh bien, la Dulcinée. Oh, c'est ça? Oui, mon ami, c'est ça. Oh, ben vrai. Oh, vite, la voilà. Soyons très gentils avec elle. Yes, come on, all of you. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez été contente de votre voyage à Champy? Oh, ça a été délicieux. Bonsoir. Pas trop fatiguée? Oh non. Bonsoir. C'est beau, n'est-ce pas, ces parterres? Oh, c'est merveilleux. Est-ce que la duchesse est là? La voici. Oh, la voilà. Bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas trop en retard. Non, Toto avait encore du travail et M. Tavernier n'est pas arrivé. Alors, vous avez aimé Champy? Oh, follement, c'est tellement beau. Beau, tellement. Oh, je suis si contente que ça vous ait plu. Voulez-vous prendre quelque chose? Une tasse de thé, un cocktail? Une tasse de thé, peut-être. Ah, voilà Toto. Bonsoir. Je m'excuse tellement d'être en retard. Ne ça fait rien. Dites-moi, est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? Quoi donc? Monsieur Tavernier est-il au courant? Mais non, je n'ai pas été seule un instant avec lui jusqu'à l'arrivée. Vous auriez pu lui téléphoner. Oh, c'était un peu gênant à dire au téléphone. Non, je ne crois pas en quoi. Mais vous tenez absolument à ce qu'il soit au courant? Oui. Pourquoi? Vous n'êtes pas jaloux de lui, j'espère. Jaloux? Mais pourquoi donc pas? Oh, voyons. Alors, puis-je compter que vous lui direz? Si vous l'exigez. Merci. Alors, tout le monde est-il là? Il ne demande plus que Monsieur Tavernier. Naturellement. Eh bien, tant pis pour lui. Nous allons commencer sans l'attendre. Veuillez prendre place. Le voilà. Vous arrivez bien un peu plus vite. On commençait sans vous. Excusez-moi. Vous êtes en retard, monsieur Tavernier. Ah, que voulez-vous? Votre voiture aurait-elle eu une panne? Oh, ma voiture n'a jamais de panne. Tant pis, car vous auriez eu ainsi une excuse pour vous être fait attendre. Je travaille, moi. Oui. Vous êtes un homme très occupé, nous savons ça. Vous voudrez bien cependant vous arranger pour être exact à la prochaine répétition qui aura lieu, je le dis pour tout le monde, lundi à 5 heures. Il y a de l'orage dans l'air. Veuillez maintenant faire silence et écouter. Silence. À la suite de certaines circonstances, j'ai décidé d'apporter une modification au projet d'entrée primitif. Il devait y avoir l'entrée d'Amphitrite avec les Néréides, puis celle de Neptune avec les Tritons. Il n'y aura plus qu'une entrée où les deux cortèges seront mêlés. Une entrée mixte, si vous voulez. Bravo. Cette idée vous plaît, monsieur Tavernier? Oui, ça me plaît. Allez, tant mieux. Une entrée mixte? Oh, tu te rends compte? Où allons-nous? Alors, je vais maintenant indiquer à chacun de vous sa place. Tenez, venez par ici, suivez-moi. Vous êtes content de ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez les conséquences de ce voyage à trois? Vous trouvez ça intelligent? Ah, ne me parlez plus de ce voyage, je vous en prie. Vous savez où il a eu le toupet de me faire coucher? Dans une auberge de rouliers. Oui, c'est tout juste si j'ai eu un lit. Et quel lit? Oh, ça, c'est un détail. Vous trouvez? Et naturellement, pas plus de commandes que dans mon œil. Il s'agit bien de commandes. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas que Madame Fleury-Bresson a pris votre place? Ma place? Vous ne savez pas qu'elle a été sa maîtresse cette nuit? Elle a été sa maîtresse? Mais naturellement. Sans blague. Quel triton, monsieur Tavernier? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Qui n'écoute pas, monsieur Tavernier. Excusez-moi d'interrompre votre conversation, mais nous sommes ici pour nous occuper de l'entrée. Oh, ça va, ça va. Bon, et maintenant, ayez l'obligeance de passer tous à côté, ou nous allons commencer à répéter. Tu as la musique, Alix? Tout est prêt. Par ici, tout le monde, s'il vous plaît. Oh, je trouve que c'est une idée magnifique. Oh, mais ce sera très joli, et puis ça changera un peu. Oh, mais je ferai bien. Monsieur Tavernier. Pardon? Madame Fleury-Bresson voudrait vous dire un mot. Venez, venez, cher ami, venez. Vous ne m'en voudrez pas de ces changements? Oh, mais voyons, quelle importance ça a-t-il? Vous savez, mon cher... C'est Toto qui veut absolument que je vous dise... Quoi donc? Mais je suis sûre que vous le savez déjà. Moi? Zaza ne vous a rien dit? À quel sujet? Au sujet de Toto et de moi? Au sujet de Toto et de vous? Ah, si! Ah! Oui, elle m'a dit quelque chose. Et quoi? Elle m'a dit que vous aviez couché ensemble. Je ne l'ai pas cru. Vous ne l'avez pas cru? Pensez-vous... Je sais bien que vous êtes une honnête femme. Certainement, je suis une honnête femme. À la bonne heure. Seulement, il y a des circonstances où la plus honnête femme du monde peut perdre la tête. Sans blague. Alors, le coup de foudre? Mon Dieu, oui. Sacré Toto. Il est formidable, ce type-là. Et c'est lui qui vous a dit de me le dire? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois qu'il est un peu jaloux de vous. Il s'imagine que vous me faites la cour. Ah, il a peur que je piétine ses plates-bandes. Eh bien, ça, il peut être tranquille. Non. Les femmes du monde, décidément, très peu pour moi. Oui. Oh, je devine ce que vous pensez, allez. Quoi? Ça vous étonne, après ce que je vous ai dit hier, que j'ai pu comme ça, si vite, avec Toto. Moi, vous savez, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne à présent. Vous m'en voulez beaucoup? Moi? Pensez-vous... Je pense que vous m'en voulez affreusement. Mais vous tenez absolument à ce qu'on vous en veuille. Mais non, je ne vous en veux pas. Je sais ce que c'est que la vie, elle est un duc, ça ne se refuse pas, surtout celui-là. Ah, seulement, dites donc, vous allez tâcher de lui dire un mot pour qu'il me passe ma commande, hein? Franchement, vous me devez bien ça. Entendu. J'y compte, vous savez. Sinon, je vous le reprends, votre Toto. Oh, ça! Quoi, je ne pourrais pas, vous croyez? Non, ça m'étonnerait. Tenez, le voilà qui s'amène. Vous voulez que j'essaye? Non! Ah, vous n'êtes pas plus tranquille que ça, hein? N'ayez pas peur, allez. Je ne saurais pas quoi en faire. On vous attend, cher ami. Voilà, voilà, voilà, j'y vais. C'est ? Oui. Bon, je vous rejoins. Eh bien, monsieur Tavernier, que dites-vous de tout ça ? Je dis que je suis très content. Tiens, sans blague, ça me fait plaisir. Et puis, vous savez, pour ce qui est de lui faire du boniment, vous n'avez rien à craindre. D'abord, je ne ferai pas ça à un copain. Et puis, c'est une petite amie que j'aime beaucoup. Et ça suffit à mon bonheur. Vraiment ? Je vais même dîner avec elle tout à l'heure, tenez. C'est notre jour de sortie à tous les deux. Elle est vendeuse aux galeries. Oh, ça n'est pas une princesse, mais elle est jolie, vous savez. Et puis alors, un petit corps. Assez! Pardon? Quittez ce ton de bravade. Je vous en prie, il m'exaspère. Excusez-moi. Que vous a dit Madame Fleury-Bresson? Eh bien, qu'elle... enfin, que vous... Que je lui avais rendu visite cette nuit, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça, oui. C'est exact. Avez-vous compris pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça vous faisait plaisir, je suppose. Non, monsieur, non. Ça ne me faisait aucun plaisir. Mais j'ai voulu vous apprendre à vivre et vous montrer qu'on ne se moque pas de moi impunément. Ah, c'était pour m'embêter. C'était pour vous embêter, oui, monsieur. Et si vous continuez à me pousser à bout, je recommencerai. Mais recommencez tant que vous voudrez, je ne demande pas mieux. Ah, prenez garde, monsieur Tavernier. Mais enfin, qu'est-ce que je vous ai fait? Depuis hier, vous n'arrêtez pas de me faire des misères. Là-bas, vous m'envoyez coucher dans une taverne de brigands. Il ne tient qu'à vous de retrouver, en même temps qu'une amitié que vous avez mise un peu trop à l'épreuve, la place privilégiée à laquelle cette amitié vous donnait droit. Oui, évidemment. Seulement, non, ça... Laissez-moi parler, car le temps presse et l'on m'attend à côté. Moi seul peux vous imposer dans la société, monsieur Tavernier. Vous ne connaissez pas ma puissance. Il n'y a que vous qui ne la connaissiez pas. Tous ces gens n'ont qu'une loi, ma volonté, qu'une religion, mon bon plaisir. Avec moi, vous pénétrez dans le monde par la grande porte. Sans moi, vous restez dans l'antichambre. Choisissez, dites un mot, un seul, et je mets fin à la burlesque aventure de la nuit passée. J'annule cette entrée mixte qui est, il faut bien le reconnaître, une provocation au bon goût. Je la remplace par une autre où Neptune paraîtra, entouré de ses seuls tritons, et où le poids de ma main sur votre épaule sera l'unique fardeau que vous aurez à porter. Que décidez-vous ? Écoutez, très sincèrement, il vaut mieux que vous adressiez à quelqu'un d'autre. C'est votre dernier mot ? Je n'ai pas de disposition pour ça. C'est bien. Alors dites, je crois que dans ces conditions, je n'ai plus qu'à les mettre, n'est-ce pas ? Pardon ? Non, il vaut mieux que je m'en aille, vous ne trouvez pas ? Comme il vous plaira. J'ai l'impression très nette que je n'ai plus rien à faire ici. Eh bien, partez, monsieur. Vous partez. Vous ne m'en voulez pas. Vous en vouloir ? Oh, nullement, monsieur. Vous n'êtes pas celui que je croyais. C'est tout. Voilà. Il y a eu un malentendu depuis le début. C'est de là que tout est venu. Et tout ça, c'est de la faute de la princesse. Alors, sans rancune, hein ? Et puis, vous savez, ne vous faites pas de mauvais sens. Cela vaut pas la peine. Vous trouverez facilement à me remplacer. Je n'aurais en effet aucune peine à vous remplacer si je le désirais. Mais je ne le désire pas. Votre ingratitude d'après tant d'autres m'a montré qu'il est vain de poursuivre l'affection des hommes. Je vais voir si les femmes sont plus dignes d'être aimées. Très bonne idée. En place, les tritons. Alors, chargez les Néréides sur vos épaules. Attention pour la musique. Alors, commencez. Dites. Pardon ? Je voulais vous dire, si quelquefois vous vous décidiez au sujet de la commande, alors ça, tout à votre disposition. Adieu, monsieur. Allez, au plaisir. Le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, La fleur des pois, une comédie en quatre actes d'Édouard Bourdet, dans une réalisation de Roger Dattis. Voici quels en étaient les personnages et les acteurs. Albert Tavernier, Henri Guizol. Toto, Maurice Varny. La Moufette, Robert Arnoux. Le Comte, Gaston Séverin. Grigorieff, Serge Nadeau. Métayane, Paul Lalouse. Lolotte, Charançon, Robert Anton. Le maître d'hôtel, Georges Paulet. Bernard de Jussy, Dominique Bucard. La princesse, Lise Delamarre, sociétaire de la Comédie Française. Madeleine, René de Villers. Molly Wisford, Suzanne Delvé. Coco Moulin, Lily Sioux. Madame Villemain, Charlotte Clasis. Mimi Dayange, Fanny Marette. La duchesse d'Anche, Olga Nilza. Mademoiselle Schwab, André Gire. Et Paola Giustiniani, Odette Brianne. Bruitage, Henri Saint-Georges. Prise de son, René Cambien. Opérateur, Georges de Sablin. Assistante de production, Marthe Labastille.